Le plan de cette semaine à Assemblage au pied à la plage. Nos mésaventures à la plage continuent. Et avec nous, on apporte Sylvain Landry, Simon Fitzbay, Alexandre Carignan, Justine Renaud, Véronique Mire et Jean-Antoine Rioux. Et on n'oublie pas nos collègues maison dont c'est un fait. Assemblage au pied à la plage commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis à la plage, c'est le troisième épisode. Et non le moindre. Oui, moi c'est Mathieu Plante. Moi c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est Fanny Paradis s'en vient dans quelques minutes, elle va arriver par dans une heure et quart. Vers les dents, une heure et quart. Dans quelques minutes. C'est ça. Parlons du plan d'aujourd'hui, de l'aujourd'hui. Comment je passe cet après-midi, moi? C'est peut-être à cause de la pluie qu'il y a eu cette semaine. Ça doit être ça, c'est maussade un peu, hein? Cette semaine. Ouais, cette semaine. Hey, t'as essayé d'être intemporel, ça fonctionne, bravo, je t'applaudis. Donc aujourd'hui, Sylvain Landry, le bon gars, entre guillemets, va nous raconter ses anecdotes de la semaine. Il va parler de camping, entre autres. Simon Fitzbay va nous faire un compte-rendu de sa semaine Mossad avec une autre carte postale musicale. Ensuite, Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans le temps d'une culture, comme elle l'a fait aux deux semaines. Justine Renaud va nous faire une chronique Justine procrastine. Véronique Mire va nous renseigner sur plein de choses de Z à A. On est rendu à la lettre Y. Ça, tranquillement, pas vite, hein? Je l'ai vu passer dans les corridors avec un ukulélé. Incroyable. Ça commence pas par un U, ça, par contre. Je ne vais pas te contredire. Oui, là, c'est mais... vrai. c'est la, t'sais, le son. Moi, je y allais avec la sonorité. Yeah! Yo-cool-lé! Je pense qu'elle combine X et Y, non? Non, c'est U et Y, s'il te plaît. Ah, parce que j'essaie de m'en sortir pour le ukulélé. Bon, c'est proche, C'est gênant, c'est gênant. On va aussi accueillir notre chroniqueur plein air, Jean-Antoine Rioux, qui va faire une petite édition spéciale estivale de sa chronique plein air. On l'a pas vu depuis le mois d'avril. Le mois de mai est presque terminé, donc ça fait un mois. C'est ça. C'est ça qui arrive. Autour de ça, nos chroniques maison, entre autres, c'est un fait, Kinky Sexy Time et un paquet d'autres choses. On va aussi amener, là, dans mon plan, ça va très très bien, une nouvelle chronique. Ah oui! Qu'on appelle Les paroles des autres. Peut-être que ça dit quelque chose, ce titre-là. Peut-être que non. Peut-être que non aussi. On verra. On verra vers la moitié de l'émission. Parfait. Parfait. Vous savez que tout l'été, on combine les palmarès Sifu et Assemblage requis. Oui, monsieur. Vous savez ça. Et la semaine passée, on a écouté le palmarès francophone, presque au complet. En fait, pas du tout complet, mais... On s'est rendu plus loin que prévu. Vrai. Oui. Cette semaine, on passe le palmarès anglophone. Oui, monsieur. Ça va être merveilleux. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 est toujours... I Wake Up Everyday, c'est ça? C'est ça. De Thomas Darcy. On va le savoir tantôt. On a aussi deux nouvelles entrées. Tout à l'heure, Born Ruffians avec Wither Shadow, mais on débute en 20e place. Avec Young Galaxy, la chanson Pretty Boy. Ouh, Pretty Boy, c'est à moi que tu parles. Pretty Boy. Pretty Boy. C'est drôle, je regardais à TVA récemment, ils rejouaient Pretty Woman. Ah oui? Puis ils arrêtaient pas dans les pubs, c'était Pretty Woman, Pretty Woman. Là, le film commence, puis c'est une jolie femme. Parce que le titre en français, Carly Bean, c'est une jolie femme. Oh! Mais tout le monde connaît juste Pretty Woman, fait que dans les pubs, c'est Pretty Woman. Ben, écoute, c'est ça qui pogne. Pas de constance. C'est ça qui pogne. Ben oui, I want to pogne. Et voilà. Ouais, c'est Pretty Boy. Pretty Boy? Pretty Boy. Ça part bien, le beat est bon. OK, on commande tout le long, OK, pense. Oh, ben non, t'as sûrement embarqué, je pense. Je sais pas cette gueule, hein? Coco. Tonico! Je commence par un cas, ça, non? T'es qui est bon en épellation. We'll be right back. numéro 19. Nouvelle entrée. Silhouette, oh silhouette, oh, another shadow. Silhouette, oh silhouette, go. Silhouette, oh silhouette, oh, thinking of a shadow. Silhouette, oh silhouette, go. L'entrée de Born Ruffians et Wither Shadow sur l'album Birthmarks en 19e position anglophone. Finalement. Oui, en 20e position, c'était Young Galaxy. Nouvelle entrée également avec la chanson Pretty Boy. Oui, j'aime beaucoup ce petit bloc de nouvelles entrées oui, anglophones. C'était très bon. Mais tu sais, Mathieu, qu'est-ce qui arrive quand il y a des nouvelles entrées? Non, dis-moi pas ça, là. J'étais de bonne humeur. Mais oui, mais c'est ça qui arrive. Quand il y en a des bonnes qui arrivent, il y en a des bonnes qui partent. On devrait peut-être leur dire... Au revoir. Pam, rest in peace. Ouais, c'est ça. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis la semaine passée. Je suis pas un cowboy, mais j'aime se prétendre. Des pièces qui ont quitté les palmarès, c'est fou, pendant la semaine du 13 mai 2013. On a eu Alinéa avec Ta plus belle extorsion qui est restée 8 semaines. Ensuite, la pauvre Lisa Leblanc qui perd sa place après 4 semaines, la pièce Je suis pas un cowboy. Eh oui, et puis on a eu The Vaccines avec Teenage Icon, une chanson que j'aimais bien qui est restée 7 semaines. Tellement. Et j'aimais aussi la dernière Halo Trans avec Venus at Your Back Door qui a duré seulement 6 semaines. Je m'attendais à plus de leur part, c'est décevant. Ben, des fois ça arrive, hein. On reçoit du nouveau matériel. Bah, ouais. Ça veut pas dire qu'on les aime pas, là. Ben prenez non. pas ça comme ça. Ben, c'est pas personnel, gars. Non. Gare. C'est qu'il y en a juste 20 qui rentrent dans un palmarès. Et voilà. Il y en a par contre qui font leur bout de chemin dans le palmarès, entre autres les Sœurs Boulées qui sont là depuis 8 semaines. Qui d'autre qui est là depuis longtemps en ce moment? Et ben, il reste plus grand chose. East Road, Thomas Darcy, Sons et David Bowie qui sont tous là depuis 7 semaines. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, je pense qu'on va devoir leur dire au revoir peut-être dans le prochain palmarès. Peut-être que ça va durer plus longtemps. Oh! Peut-être qu'il y en aura plus. Oh, on sait jamais. Un mystère et boule de gomme. Voilà. Donc oui, c'est ça, on a entendu deux pièces francophones. Il y a des nouvelles entrées francophones qu'on a entendues la semaine passée. Mardi Gras et Outek. On va les réentendre la semaine prochaine. Bon. Oui. Voilà. Alors qu'on continue en anglophone, ça te tente-tu? Ah, bah oui, allons-y. Non? Bah oui. Pas d'accord avec ça? Tu veux que j'y aille? Ouais. Tu veux que j'y aille? Ok, attends, j'y vais. Moi, je te dis qu'on va écouter la 18e position, Rara, Heart and a Wife. Wow, puis après ça, je te gâche qu'on va entendre Fiddler. Ben oui, ça, c'est en 18e position, par exemple. Faudrait 19e. 17e. Ouais, c'est ça, je me suis trompé de colonne. Hey, je suis un gars de même, hein, je louche. On pourrait faire comme Dominique et Martin, faire tout le temps les mêmes gags. Oh non, une joke de groupe et une joke de pas d'œil. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je louche. Ouais. Parlant d'humour, tantôt, Sly s'en vient. Oui. Avec sa chronique Le Bon Gars. Ouais, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est pas du genre qu'il dit, c'est une citation de. C'est comme ça que c'est marqué, hein. C'est comme ça que c'est marqué. C'est la faute du site web. Ouais. De ton assemblage requis à la plage. I used to have a guitar, though I didn't know what for. And I would play along to some old country songs that shook me to the core. And then I got an amp, and I learned to make some noise. And I would play along to some crazy horse songs until it felt right. Just a few. Fiddler et Wait for the Man. Position 17, ça monte de 2 en anglo. Et juste avant, c'était Rara avec Heart and a Wife en 18e position, toujours dans le palmarès anglo. Oh yeah! Oh. Là, c'est plus les nouvelles entrées, mais on aime ça, ça a bougé. Oui, ça a bougé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le palmarès anglophone. Ben, ça fait 2 semaines. Ben, 2 semaines. à peu près ça. On s'ennuie. Ben, c'est difficile de vivre comme ça, tu sais, à une langue à la fois, tu sais, que les races s'entendent, j'aimerais. Ben oui, c'est ça. Main dans la main, quand même. Pendant qu'on a encore un petit peu de temps avant la chronique de Sylvain Sly, qui s'en vient avec sa tranche de vie là, de ce bon gars-là, il va nous parler de camping, il va nous parler de monokini, je pense. Ah, j'ai lu entre les lignes là, tantôt. Hein. Entre les cracks. Ça a Sly, si on veut. C'est, si on veut. Donc, on a encore du temps pour un petit peu de musique. Vous avez vu, en ce début d'émission, on essaie de se concentrer sur la musique pour après ça embarquer dans les chroniques. Donc, tout à l'heure, il y aura la 15e Sun Minds avec Price for Freedom, mais on débute en 16e. Avec The Clicks, avec Savannah. Savannah? Non, Savannah. OK, je pense que c'était ça va mal. Ou c'est quoi? Ça va bien. C'est Kathleen, non? Ça va bien. Je te laisse patiner, là. Je sais pas comment réagir à ça. Avec les cheveux tressés. Ah oui, oui, elle, l'autre, là. Kathleen, Colin. La sœur de l'autre. Cold. Don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway out the door someday. Take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. Cause I'm halfway out the door and you're screaming out for more, baby. Give your tears a count of four, cause I know I'm gonna hear you say. C'était Sun Minds et Price for Freedom qui montent de deux, qui était une nouvelle entrée la dernière fois dans la préparation de le fun. Puis avant, c'était The Clicks avec Savannah, comme je le disais tantôt aussi bien. Savannah. Est-ce que t'es allé voir Kathleen, c'était qui? Non, je peux aller voir. Slide, tu te rappelles Kathleen, ça va bien? Certainement. Bon. Bon, ben, parlez donc entre vous deux. Bon. Tu sais? Ben, accueillons-le, parce que j'entends des rumeurs à son sujet. On me dit que c'est un bon gars. Eh oui. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'a payé mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette, m'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon catch-up, on va voir ce qu'on va voir, m'en forcer en ciboire. Au ketchup, son ketchup. Ça, c'est au baseball. Ça. OK, ketchup. Donc, ketchup, rattrapons-nous justement avec Sly, Sylvain, qui est avec nous pour une deuxième fois. Pour ceux qui t'ont raté la semaine passée, là, rappelle-nous un petit peu tes qui, Sly. Je suis qui? Je suis un nouvel étudiant ici à l'université. Ouais. Comme je le dis toujours, je suis pas ici pour apprendre. Tenez-vous-le pour dit, c'est la leçon à retenir. Et voilà, pas le c'est bon son slogan. J'ai la conviction, par contre, qu'il y a du fun à avoir ici de certain, avec le bar dans l'école, les filles partout, puis... Je suis là pour ça, tu sais. Yes. T'as remarqué les constructions en ce moment à l'université? T'es pas trop perdu là-dedans? Ça sent pas trop la... Non, je me sens chez nous. On dirait qu'ils rebâtissent Utrecht. Lui, il est resté pogné dans le passé avec Utrecht, ça. Oui, ça, okay. Ça bougera pas de ça. Donc, deuxième chronique, on parle entre autres de camping, Slide. Ben oui, parce que moi, dans le fond, de mes étés, à part de venir ici de sa plage avec vous autres, en passant, merci pour le pina colada. Oh, ouais. Fait plaisir. Dans une noix de coco en plus, avec le petit parasol. C'est ça. Après, ouais. Il s'est enlevé de ses seins. Ça va au bikini avant. Moi, je passe mes étés sur un terrain de camping, tu sais. Je garde ça... Je garde ça bien tranquille, tu sais. Je m'assis sur mon petit terrain, là, puis j'ai mon jardin, mes tomates, mon petit parasol. Ouais. Rien de compliqué. Je me suis fait un beau setup. Là, deux barbecues, le fumoir, la pompe à fût. La caisse pop, le drogue ball. Il y a de quoi avoir du fun. Puis là, mon jardin, il est beau cette année. Hein? Okay. L'année passée, je m'étais contenté de remplacer les fleurs sur le bord de la roulotte là, par une couple de plants de basilic. Puis finalement, ça avait poussé un par-dessus l'autre. Il n'y a rien qui a marché. Ben oui, du basilic, c'est sûr. Hein? Je te jure. Ah oui, vraiment du basilic? Oh, oui, j'ai le pouce... brun, mettons. Entre le brun puis le vert. C'est la terre. J'avais planté un plant de cocombe aussi, puis j'ai eu un cocombe. Le voisin? Non, c'est pas les farces. Il y a un cocombe qui a poussé. Puis qu'est-ce que t'as fait avec ce cocombe? Écoute, il était gros comme un melon d'eau. Il était énorme. Sauf que le gag, c'est qu'il a poussé en dessous d'une marche, la galerie. Fait que je l'ai jamais vu de l'été. Fait que tu comprends bien, quand je suis débarqué voir les voisins avec le cocombe, ils m'ont jamais cru. Ils ont dit, toi, t'as pas eu de cocombe de thé, pis t'en as un, pis il est géant. En tout cas, finalement, les enfants ont fait un petit bateau avec en creusant les pépins. Là. OK. On les a perdus. C'était bien cool. C'était bien cool. Puis là, sur mon camping, ben, je me suis acheté une chèvre. Ah! Une chèvre que j'ai appelée Bacon. Bacon. C'est pas un porc, un cochon que t'appellerais Bacon. Mais je voulais un cochon, tu sais, mais bon, il voulait pas. Ça a l'air que c'était un salaud un peu, ça faisait du bruit, ça prenait trop de place, c'était pas une bonne idée. OK. Mais j'aurais aimé ça un petit cochon, tu sais, je veux dire, j'aurais mis un petit sidecar sur ma moto, je la ramenais faire des tours, j'aurais trouvé un petit casque, Spider j'aurais donné Pig. De l'amour. Spider Pig. Un genre de Spider Pig. Dans la pêche que je peux toujours donner de l'amour à ma chèvre. Si tu veux, on te jugera pas, hein, si tu fais ça, chez vous. Chez nous, hein, mais que les lumières s'est fermées. Uh-huh. Bonhomme est un peu pacté. La chèvre, vous la voyez plus. Demandez-vous pas ce qui se passe. Non. Un tricot. Il fait un tricot. Oui, Je fais des farces. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Tranquille au camping. Là, faites le ménage. Faites la pelouse. Brûlez mes vidanges. Brûlez tes vidanges. La poubelle est loin, hein. T'sais, c'est de la job, là. C'est marcher. De la job. Fait que moi, je brûle ça. Mais là, il y a eu des plaintes un peu. Là, ça a l'air que les enfants crachent noir. Puis, tu sais, mon voisin, il a une belle roulotte blanche. Hein? Mais là, c'est comme taché noir en permanence, son mur. Là, c'est de toute beauté. Mais c'est ça, les poubelles sont loin. J'ai pas. Tu sais, comme je vous comptais la semaine passée, je voulais m'acheter un cart de golf là, pour me promener sur le campus à cause du stationnement qui est plus proche du Canadian Tower que d'ici. Mais au camping, j'ai un triporteur. OK. Ouais. Oui. C'est comme une chaise roulante. À trois roues. C'est Tu pourrais aller prendre ma douche. Tu pourrais aller prendre ma douche. Pourquoi tu ne pas ta chèvre? Elle va t'amener. Hein? Ben là, t'es c'est déjà dessus. Elle est trop petite encore. Je pourrais demander de tirer le triporteur, ouais, okay. En effet. Puis c'est ça. Puis je suis là au camping en plus. C'était comme je suis maintenant un étudiant. Ouais. J'ai décidé de me trouver une job d'étudiant. Félicitations. Ouais. Alors, je suis le nouveau lifeguard du camping. Oh! Question de garder... De yeux tes popounes, hein, c'est ça? Entre autres. Puis que tout le monde soit en sécurité. Hein? Ah, en premier lieu, dans mes pantalons. Ça prenait quelqu'un de confiance. Fait que c'est ça. Fait que pour aller suivre, pour aller avoir ce job-là, il a fallu que j'aille suivre un cours qui s'appelle « Soins d'urgence aquatique ». Ou une autre bullshit de même. Terrible. Non, mais ça, c'est une autre histoire pour faire de l'argent. Là. Ouais. 3 jours pour apprendre à sauver du monde. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, j'arrive là, 3 jours. 2 professeurs passionnés, par contre. Je pouvais pas croire qu'on pouvait pas prendre ça autant à cœur, le RCR. Fantastique. Puis tu sais, on avait un beau groupe, là. Il y avait entre autres un gars. Lui, tu vois, c'était un pro. Un prof de plongée, tu sais. Il y avait le petit T-shirt qui matchait avec le costume de bain, la grosse affaire. Tu sais, moi, j'arrive là avec mes shorts en jeans, tu sais. Bien frangé, là, tu sais, quand le poil dépasse un peu. L'image est pas... Bon, ouais, tu sais, pour les gens qui savent pas, moi, je pèse 320-325 livres, là. Fait que c'était de toute beauté, là. J'avais l'air d'un beluga sur le bord de la piscine avec mon short en jeans, mais bon. C'est toutes sortes de monde qui suivent ce cours-là. Il y avait un Monsieur Wong, okay. Qui est un nouveau propriétaire de motel dans la région de Sherbrooke. Et puis lui, il avait besoin de ce cours-là là, pour la piscine... qui se trouve dans son établissement. Il y avait d'autres gens, des propriétaires de camping, une physiothérapeute. Tu sais, un gros party pour sauver du monde. Des kids aussi. Les autres, ils me font capoter. Hein? 18 ans, 19 ans. Ça se pense, là. Ah ouais, bon, petit pinch en duvet. Ouais. Ah ouais, donc, ça se fait aller. Moi, je suis là, je suis à côté, je crache du sang. T'sais, c'est pas drôle, là, tu sais. Mais bon, il y avait des filles aussi, forcément. Ben oui. Hein? Il y en a une, elle était cute, Mathieu, là. Toujours des kids, ça, c'est ça? Terrible. Ben là, c'est ça qui, c'est ça le problème. Je me suis dit, oui. Là, il y a une couille dans le potage, là. Wow. Elle est trop ferme, okay. Tu sais. Puis là, c'est là par après que dans la lecture des règlements, je me suis rendu compte que tu pouvais faire ce cours-là à partir de 16 ans. Ah! Fait que c'est là que j'ai dit, je touche pas à ça, non. On va oublier ça, ouais. Tu sais. Il y a toujours bien une petite limite des à limites, tout. Ouais. Fait que, en tout cas, ça commence, les histoires. Là. Le RCR, ça, c'est la partie le fun. Hein? Là, il amène les mannequins. Là, boum, pas les mannequins comme mannequin, mais un mannequin en plastique. En plastique. Mais bon, ils ont beau être en plastique, tu convaincs que j'ai réussi à placer 3-4 jokes de zignage. OK, puis il n'y avait pas 16 ans, les mannequins. Non, il y en avait, mais j'ai pris le mannequin adulte. Okay. Encore là, je me suis gardé une petite gêne. Fait que là, on commence ça, les manœuvres de réanimation. Mais c'est bien fait, les mannequins, à cette heure, ils parlent. Il évalue ta performance, puis il y a des lumières. Fait que moi, à chaque pulsion, là, ça ressemblait à peu près à côte brisée, inefficace. Côte brisée, inefficace. T'as tout brisé ses côtes une après l'autre. D'après moi, je l'aurais pas sauvé. Après ça, l'autre étape, on commence les bandages. Tu sais, t'apprends la cheville brisée, le poignet. C'est kinky pas mal, ça. Oui. Ouais. Ben moi, c'était plus fort que moi. À toutes les fois, je donnais une jambette à mon cobaye, je le revirais de bord puis je le lassais comme un petit veau de rodéo. Comme un petit rôti. C'était bien drôle, c'était bien drôle. Puis là, la troisième partie, ben c'était la partie en piscine. Hein? Ça aussi, de toute beauté. Tiens, en partant, moi, je sais pas nager. OK. Là, tu vas dire, tu veux être sauveteur de piscine, tu sais pas nager. Mais moi, je voyais pas ça de même. Non, ils vont me le montrer. Hein, c'est et je me suis dit, tu sais, ça peut pas être un job difficile. Fait que là, moi, je me suis dit, m'a transféré mon setup sur le bord de la piscine, le barbecue, la pompe à fût. La chèvre. La chèvre. Puis. Le triporteur. Oui. Triporteur, forcément. Oui, ben oui. S'il y en a un qui se noie, il pense pas qu'il va me lever, là. Non, puis si tu te lèves, tu vas y aller au ralenti comme dans Baywatch, là. Ouais. Genre, justement, pour la plage, tu n'as pas besoin d'un bon sauveteur, j'ai mes cartes à star, tout. Ben, si tu veux, quand même, on a une chaise pour la lifeguard. Ouais, oui. C'est le fun, tu serais dans le coin du studio, puis tu crierais genre, next! Chaque chroniqueur serait pas fait. Ça serait bon. Ah, ça serait bon. Fait que la vision que j'avais, moi, c'était ça, là. Tu sais, j'étais pas là pour sauver du monde, on s'entend. Je voulais avoir ma paye puis me prélasser sur le bord de la piscine tout l'après-midi. Mais ça a l'air. C'est tout le temps ça. À l'école, je suis pas là pour apprendre. À la plage, en tant que lifeguard, je suis pas là pour sauver des vies. C'est... Non, faut quand même pas abuser. Okay. Mais tout ça pour dire que le but de l'histoire, c'était encore une fois de me la couler douce. Mais ça a l'air que ça vient avec des responsabilités. Incroyable, hein? Incroyable. Dans quel monde on vit? Comment hostile te demander de faire quelque chose pour une paye, tu sais? Ben oui. Fait que, en gros, c'est ça qui s'est passé cette semaine. OK. Hein? Je tenais à venir vous conter ça. T'as c'était ma tranche de vie. T'as bien fait, hein? Ma tranche de vie. C'était pas trop mais c'est correct. Puis, rapidement, en terminant, je vais vous parler des aigles de Trois-Rivières. Oh! Hein? Quand une pipette, hein? Un sujet qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Moi, les bleachers, un petit hot dog, une bière l'après-midi, perdre mon temps, j'adore. Yes! Dépenser ta paye de lifeguard, si bien mérité. C'est ça. Donc, ça n'a pas été facile pour les Aigles, hein, qui ont commencé avec une série de 5 matchs à Québec contre les Capitales. 5 défaites. Bon, ils ont quand même réussi à amener les Aigles en prolongation, là, les Capitales en prolongation. Donc, il y a peut-être un certain potentiel à long terme. Ensuite de ça, ils ont perdu à Rockland, 6-2, le match qui avait lieu hier. Puis ils vont jouer encore une fois ce soir à 19h à Rockland. Ce soir, c'est jeudi 23 mai pour ceux qui suivent. Exactement. Donc maintenant, ils sont 0-6. On va espérer qu'ils puissent revirer la situation ce soir à Rockland. Mais je vais attirer votre attention parce que demain, c'est le match d'ouverture ici à Trois-Rivières au stade Fernand-Bédard à compter de 19h. Ce serait le fun d'être là, hein, pour le premier match, les encourager. Si on est chanceux avec une victoire pour ce qui est du 0-6 de départ, on va pouvoir parler de l'Ancien Testament puis oublier ça. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'avec le match à domicile, si on est là pour les encourager, ils vont virer de bord la situation. Un petit point positif, là, Jeff Shields, qui en deux départs a 7 retraits au bâton, ce qui le met à 3 retraits seulement du fameux Jeff Duda. Duda. Alors, on va espérer qu'il va poursuivre cette lancée-là. Bien que ça soit contré par sa lourde moyenne de 5.58. Mmh. Ouf! Ouf! Pas l'ail, hein? Pas l'ail. Alors, sur ce, les gars, je vous remercie de vous avoir accueilli encore une fois parmi vous. Merci à toi. Il y a du sable dans mes grosses fesses. Alors, je vais aller me doucher. Merci, Sly. Merci, tout le monde. À la semaine prochaine. À la prochaine pour une autre tranche de vie du bon gars. Oui. Ouais. On repasse en musique avec une autre pièce anglophone. C'est la position numéro 14. Oui, on va aller écouter David Bowie avec The Stars Are Out Tonight. Puis après ça, ben, c'est la carte postale musicale de Simon Fitzbé. Yes. Tonight avec des guillemets. Non, c'est... Non, c'est des parenthèses. Hein, The Stars entre parenthèses Are Out Tonight. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça cool de mettre quelque chose entre parenthèses après mon titre. Moi, je trouve ça cool les mimes à la radio. Ouais. Vous êtes à l'assemblage requis, souligné, à la plage entourée. Voilà. 3 petits points au milieu. C'est ça. Are never sleeping. Dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. The stars are never far away. Stars are out tonight. They watch us from behind their shade. David Bowie et The Stars, entre parenthèses, Are Out Tonight, position 14, ça monte d'une place. Maintenant, assemblage requis à la plage, c'est le moment de lire la petite carte postale que Simon Fitzbay nous a envoyée. Alors, go intro! Et comme toujours dans le rôle de Simon Fitzbay qui est en vacances à quelque part, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est moi-même. Oui, qui va nous lire cette carte postale numéro 3 de l'été. Oui, et puis là, bon, écoute, je fais des promesses. Je fais des promesses de dire, ben, je vais arrêter d'interrompre sa carte postale. Pas capable. Je vois que je suis pas capable. Fait qu'écoute, ça va y aller comme ça va. Tu m'interromperas. Ben je m'interromperai moi-même dans ma lecture de la carte postale de Simon. Moi, je vais te mettre une petite musique romantique là, comme de lecture de carte postale. Comme ça va être tout cute. Oh, bon. T'es cute. Vas-y, quand tu veux. Donc, me voici dans le rôle de Simon Fitzbay. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Mathieu? Oui, ça va très bien. Ça va bien? Bonjour, oui. Ah, ici, c'est un peu Mossad. Il a plu toute la semaine. Tu parles d'un paradis. Anyway, je vais faire ce cours parce que la température affecte mon moral, comme vous pourrez le ressentir dans ma carte postale musicale. Donc, on va débuter le mix avec la collaboration entre les Black Keys et le rapper RZA. RZA, je pense que ça se prononce RZA. Je pense que oui. Qui nous offre la pièce de Baddest Man Alive, tirée de la trame sonore du film The Man with the Iron Fist, sorti à l'automne 2012, mais que j'ai regardé cette semaine à cause de la température extérieure. C'est vrai que c'était une bonne température pour écouter des films. Ensuite, je vous propose une combinaison intéressante. Le duo californien TV Girl, qui ont échantillonné la pièce Hello, It's Me, de Todd Rundgren, un vieux succès des années 70, pour lui donner un nouveau spin rafraîchissant. Mettons que c'est le rayon de soleil qui perce les nuages à ce point-là. Oh. Le duo lance le mini-album Lonely Woman le 18 juin prochain. Vous pourrez retrouver plusieurs EP sur leur Bandcamp. Par la suite, on entendra Elvis Presley. C'est comme un jeu de mots avec Elvis Presley, mais oui. Attends, il est Dee Presley. Ben, c'est ça, écoute bien. Okay. Un nom qui représente bien l'état dans lequel me laisse la pluie tropicale. La track Weird Honey se trouve sur le EP Holo Pleasure que le producteur a lancé en avril de cette année. Vous pourrez l'acheter au prix que vous voulez sur leur Bandcamp. Chose intéressante. Oui. On finit en force avec une formation les plus lourdes qui m'a été donnée à découvrir cette année. Savages, que tu connais, je pense, Mathieu? Non, désolé. Je pensais qu'on en avait déjà parlé, peut-être. Excuse-moi. Donc, Savages est un groupe post-punk londonien qui prend la lourdeur de leur image et de leur musique très au sérieux. On ne niaise pas avec Savages, OK? C'est qu'on se le tienne pour dit. Okay. Je vous propose She Will, le dernier simple issu de leur album Silence Yourself. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de la formation originale, je vous suggère l'article de fond qu'a fait Pitchfork. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Sur eux ce mois-ci, donc article à lire si vous voulez en savoir plus. Bon, fait que c'est ça, je retourne me cacher de la pluie. Bonne fin de semaine les gars, espérons qu'elle sera plus ensoleillée pour vous. Gros bec mouillé à Stéphanie. Simon. Ah, c'est beau. Carte postale. C'est une belle carte postale. Mais il est gentil de penser à nous comme une chance, hein? Oui, heureusement qu'il est là. No medicine, I take no diet. So Terrorize your hood, flashing max on the cop the way a gangster should. I slash food on the mouth of a tiger, take a gasoline bath and I walk through fire. Bear hug a grizzly, suck milk from a titty, take the sergeant hat from his head and use it for a frisbee. Spit in the crocodile face, have a menage a trois with two female apes. They're sleep in the bath with bush and eyes. I drink honey straight from the beehive. Bungee jumping off the Empire State, butt naked. Rollerblading across the Golden Gate, butt naked. With the baddest man alive and I don't plan to die. When the grim reaper come, I look her right in his eye. I bust up in the face of the witch of the east. Tell a great white shark to go and brush his teeth. I'm the man who stole the golden fleece. And I date rape beauty right in front of the beast. The baddest man alive, and I don't plan to die. Come on, tell about it. I'm the baddest man alive. I'll take no measure, I take no stride. Sometimes I feel like I can't fly. Thank you. La troisième carte postale musicale, Simon Fitzbay. C'est toujours Jean-Philippe qui est dans son rôle. Oui, donc on a entendu The Baddest Man Alive. C'était la collaboration entre The Black Keys et RZA. RZA. RZA. Risotto. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, il faut pas confondre. Ah, ouais. Après, tout juste après, on a eu If You Want It, The TV Girl. On a eu Weird Honey de Elvis de Presley. Et She Will, The Savages. Merveilleux. Retrouvez la liste des chansons sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Et on va terminer l'heure là-dessus. Tout à l'heure, on va voir Alexandra Carignan qui s'en vient avec Le Temps d'une Culture, sa chronique Art et Spectacle. Ça s'en vient incessamment. Et puis plus tard, toujours dans la deuxième heure de l'émission, on aura Justine Renaud et une nouvelle chronique, Les Paroles des Autres. Oh! Ouh. J'ai hâte d'entendre ça. Je suis intrigué parce qu'on aime ça faire des petites surprises. Là. Tellement, que, hein? Je sais pas ce qui s'en vient. Je dis jamais aux autres ce que je prévois faire. Ça, non, c'est ça, c'est des surprises. Surprises! C'est des surprises, Mathieu. Good. Si tu le prends de même, moi, je suis bien content. Voilà. Reste là. C'est un petit peu froid pour les orteils, je trouve. Ah ouais, je pensais que tu faisais pipi. C'est la deuxième heure d'Assemblage Hockey à la plage en cette semaine du 20 mai 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Et yeah, elle vient d'arriver pour la deuxième heure, juste à temps. Yes! Hey, j'ai bien fait ça! Bravo! Parce qu'on commence chaque heure 10 minutes en retard, fait que t'es arrivé à temps pour la deuxième heure par hasard. T'sais. Fait que finalement, on a bien fait ça. C'est à peu près ça. Excusez. Bon, c'est pas grave, tu passes le reste de l'émission avec nous, le 3 quarts. Ok, yes! C'est fun! Tu vas aimer la nouvelle chronique qu'on présente plus tard dans l'émission, Les Paroles des Autres. Tout le monde se tétille avec ça, se tétille. Ah, moi, j'en peux plus, je me peux plus. Je capote. Mais pour l'instant, c'est Alexandra Carignan qui nous titille. Non? T'aimes pas ça quand on dit ça? Ben oui, non, mais... À nous titiller quoi? Je peux vous titiller. Ce que tu veux, cher. Voici Le Temps d'une Culture. Alexandra Carignan qui est de retour aux deux semaines pour sa chronique Le Temps de Culture. Et oui, ça fait deux semaines que je n'étais pas là. C'est un manque. J'espère que vous vous êtes pas meurtri dans votre âme par manque de culture. On a chacun ouvert les veines de l'autre à sa gauche. Okay. Dans le cercle. Ça a créé un flux sanguin constant. Au final, ça a bien fini. c'est comme le film, là. Tu sais, le film avec les gens qui sont cousus par la bouche et par les fesses. Oui! Non, OK. Non, c'est pas comme ça? OK. Mais c'est pas ça qu'on a fait. J'ai jamais osé le regarder. Il y en a trois, je pense. Trois personnes et trois films aussi, en tout cas. Donc, Alexandra Culture, moi, nous. Et oui, avant que je vomisse dans la station, on va parler de culture. C'est fou, on vomit de culture. Non, écoute, les slogans que je donne, moi, d'habitude, sont efficaces. Les extrêmes, ça nous anime. C'était Alexandra Carignan qui a inventé ça. Et oui, c'est moi, ça. Écoutez, cette semaine, je vais parler de deux choses qui sont pas dans le même registre. Donc, un truc qui est historique, un autre qui est de théâtre. Je varie. La semaine, en fait, il y a deux semaines, j'étais beaucoup plus art visuel. Donc, d'ailleurs, si vous voulez voir encore, je vous rappelle, il y a l'exposition Repérage qui est toujours au centre d'exposition à Montlagny. Une magnifique exposition qui montre bien les artistes de la ville de Trois-Rivières. Dans un tout autre ordre d'idées, et là, on s'en va dans un aspect un peu plus historique. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire à Trois-Rivières? Eh bien, on peut aller visiter la nouvelle exposition au Manoir Boucher de Niverville qui s'appelle « D'encre et d'histoire ». Le vernissage est ce soir à 17h30. Si vous ne faites rien, il y a du vin gratis. Montrez-vous à face là-bas. Ce soir est en jeudi 23 mai. Eh oui, on est jeudi. Oui, c'est ça, je sais pas si... oui, pour les rediffusions, vous pouvez déjà y aller. Hey, youpi! Alors, donc, le 23 mai, c'est le vernissage. C'est une exposition qui est faite en collaboration avec le Collège La Flèche, en fait, avec les étudiants du programme d'histoire et civilisation. Au manoir Boucher de Merville, il y a une exposition permanente qui s'appelle La vie bourgeoise et il y a une petite salle au fond complètement qui est toujours réservée aux étudiants. Cette fois-ci, en fait, l'exposition parle de la famille Héroux, qui est une grande famille à Trois-Rivières. On fait, en fait, l'histoire de ces générations et on va passer à travers ça, à travers l'histoire de Trois-Rivières. Mais Hérouville n'a pas rapport avec ça? Pas du tout. Ben, peut-être, en fait, sûrement. OK. J'ai le nez qui pique. On te laisse le temps, vas-y. J'ai embrassé. Garde-toi dans le micro. Ça va. Alors, oui, c'est ça, c'est, on voit l'histoire de la famille. Peut-être que c'est en lien avec Hérouville, là. C'est peut-être une personne qui est allée là-bas, un des fondateurs, et paf, Hérouville. Mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que, oui, on voit l'histoire de la famille Héroux, mais on voit l'histoire de Trois-Rivières avec les artefacts que les étudiants ont trouvés dans les fouilles archéologiques. Okay. Parce que chaque année, dans le cadre de leur cours d'archéologie, ils font des fouilles dans le vieux Trois-Rivières, trouvent des objets, sans nécessairement se dire ces objets ont appartenu à la famille Héroux. Ils s'en servent pour montrer les aspects de la vie de l'époque. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, on avait l'exposition qu'il y avait. C'était beaucoup plus basé sur les métiers à la Nouvelle-France. Donc, c'était à peu près la même époque. Tandis que là, on voit vraiment toutes les époques. Donc, de la Fondation jusqu'au Grand Feu de 1908. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est monté par les étudiants, ce qui est intéressant aussi. Donc, c'est leur projet de fin d'études. C'est au manoir Boucher de Niverville. L'entrée est gratuite. Ça vaut la peine. Ça, non seulement ça nous fait connaître l'histoire de Trois-Rivières, mais ça fait aussi encourager les jeunes étudiants, parmi lesquels j'étais là jadis. Non. OK, j'ai peut-être un petit... un lien d'appartenance. Ouais, c'est ça. Un parti pris biaisé. Ils sont fous, les gentils, en plus. C'est des bons élèves. Bon, c'est ça. Alors, c'est au manoir Boucher de Niverville. Ça commence le 23 mai. Et ce sera là pour un bon bout. OK, c'est précis. Oui, en fait, de moment-là, je pense que ça reste un an. Ben oui, en fait, jusqu'à temps que la prochaine cohorte fasse une exposition. C'est ma foi assez logique, en dans effet. Dans la logique ouais. Des choses. Alors, vous avez un an pour la voir, quand il vous. Fait que remettez pas ça trop à plus tard, parce que ça va finir par finir. C'est ça, ça finit par finir. C'est pas comme la vie bourgeoise, là, que vous pouvez voir tout le temps, que c'est donc bien intéressant. Si vous venez cet été, en plus, vous allez avoir une guide exceptionnelle. Hey, hein? Je me demande qui. Je sais pas. C'est Steph, hein? C'est pas. Et Seigneur, non. Vous allez n'entendre la bullshit si c'est moi qui fais ça, cette visite-là. Par contre, tu préfères celle sur la petite vie au musée... Oh, tellement. Hey, j'ai du soir. Ça arrive quand? Est-ce qu'il y a déjà... Je sais pas. Juin. Quelle date? Je sais pas. Ça arrive au mois de juin. Mais je vais être là, le nez dans la porte. On en reparlera, bref. Ben oui. Alors, c'était pour le volet exposition historique. Là, mon deuxième volet du temps d'une culture, donc quoi faire à Trois-Rivières. Tu parles comme ça tout le long, le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Quoi faire à Trois-Rivières? Eh bien, c'est le retour du Comico Classique. Je ne sais pas si vous aviez assisté à des représentations comme ça. Ça fait plusieurs années, peut-être. Non, en fait, non. Ça fait peut-être 2 ans qu'on fait ça. Ben, c'est plusieurs, peut-être, deux ans, oui. Ouais. J'en peux plus, en fait. Soit c'est l'année passée ou l'année d'avant. Bref, c'est quand même assez récent. C'est une idée de la Corporation Développement Culturel Trois-Rivières et du Théâtre Expresso, qui est un théâtre à Trois-Rivières. Le but, c'est de faire des représentations de bouts de pièces d'auteurs connus. L'année passée, on a eu Molière. C'est bon, ça, Molière. Mais on en a eu plusieurs. Ça se fait dans la rue. Et c'est 2 représentations par soir. Donc, une à 7h30 et une à 8h45. C'est super intéressant. C'est fait par des acteurs qu'on peut voir, là, qui jouent souvent dans le TGP ou dans le TNC ou dans la LIM. Souvent, la LIM et le TGP ont beaucoup ça de... Ça ressemble, hein? Ouais, ouais, ça ressemble pas mal. Donc, le Comico Classique, cet été, on va en avoir 4. Donc, on va avoir les Facetis de Feydeau, les Badinages d'Obaldia, le Pif de Rostand. Et on va avoir un mix des 3, en fait, la dernière représentation. Les premières représentations, ça va être le 7 et le 8 juin. Donc, dans 2 semaines. Je me prends en avance parce que je ne sais pas si je vais être là plus tard. Donc, le 7 et le 8, attends-moi un vendredi, un samedi. Il y a 2 représentations par soir. Donc, un peu plus tôt, 19h30 et l'autre un peu plus tard, vers 8h45. C'est dans la rue, en fait, du Vieux Trois-Rivières, donc sur la rue des Ursulines. L'année passée, il se situait entre les Ursulines et l'église Saint-James. Donc, on bloque la rue et le spectacle se fait là. Ce n'est pas long, mais c'est efficace. Donc, une demi-heure, 45 minutes, on présente la personne, en fait, l'auteur connu. Moi, je connais juste Fedo dans celui-là. Pour ce qui est du reste, je ne connaissais pas Rostand ni Obaldia. Je sais pas pour vous, là. J'en connais aucun. Moi non plus. Passe sans poche, moi. Ben, Fedo, en fait, qui est un peu plus connu parce que c'est des petites comédies de situation, là. En fait, le du vaudeville, c'est pas mal Fedo. C'est lui qui a écrit des guédons, non? Non. Mais en fait, c'est du... Fedding et Fedon. C'est du thé. Moi, je pensais que c'était le téléphone. Ah, Fedo. Ah, Fedo. Wow! Des pâtes à le Fedo. Alors, c'est ça, donc Fedo qui est des belles petites comédies, ça va valoir la peine, c'est gratuit, donc ça se passe dans le vieux Trois-Rivières, c'est fait, je sais que Fedo s'est montré par Patrick Lacombe, qui est un metteur en scène qu'on connaît bien, qui a fait La Ménagerie de Verre en septembre dernier, qui a été un succès total, c'était très très bon, donc ça vaut la peine. Ça va être, je vous rappelle les dates pour les premières représentations. Sinon, vous tapez Comico Classique sur Google et ça vous amène sur le poster. Ça s'écrit comme ça se dit? Comico, ouais, C-O-M-I-C-O, classique. Donc, pas mal comme ça se dit. Comico Classique. Okay. C'est très, très simple là, et visuellement très beau. De toute manière, les affiches, vous allez les voir un peu partout au centre-ville. Elles sont dans les tons de papier, de vieux papier. On voit les trois personnages et les représentations. Donc, le 7 et le 8 juin, c'est Fedo qui va y avoir. Donc, les facéties de Fedo, c'est à 19h30 et à 20h45. Ça vaut la peine. Allez-y dans les rues du vieux Trois-Rivières. Alors, ce sera ça pour la chronique d'histoire. Ben, pas d'histoire, mais de culture. La portion on se culture. Mélange dans les mots, c'est fou. L'humidité nous rend complètement... frisé. Bon. Ah oui, moi, on me rend certainement frisé. Alors, je vous rappelle l'exposition temporaire au Manoir Boucher-Niverville et le Comico Classique dans le Vieux Trois-Rivières. Et j'ai un mini-volet. Et si? Et si? Non, en fait, c'est pas si. C'est si seulement. Je vais lâcher le temps. Si seulement. C'est, comment dire, Louis Morissette sort de ce corps ou entre-y? C'est-tu Louis Morissette qui fait les si? Et si, c'est lui, ouais. OK. Moi, je me rappelle juste que Jean-Philippe Durand dedans. C'est l'homme de ma vie. Tu me parles. Mais bon, si seulement vous étiez moi... On en rêve tous. On en rêve tous, hein? Parce que si seulement vous étiez moi, vous iriez voir Mister Valère à l'avant-première de leur lancement d'album mardi prochain. Wow! Alors, c'est pas pour me vanter, mais moi, mardi prochain, je suis à Montréal, ben, à l'avant-première. Pour une fois que tu fais quelque chose dans ce segment-là, parce que d'habitude, c'est, je peux pas le faire. C'est tout ce que je peux pas faire. Et là, je suis vraiment contente parce que Mister Valère va lancer un nouvel album très prochainement, pour ceux qui ne le savaient pas. Le premier extrait est déjà sorti. On va d'ailleurs l'entendre tantôt. Et Mister Valère, leur dernier album, si vous vous rappelez bien, il y avait un nouveau style de vente d'album. C'était vous donner ce que vous voulez et vous pouvez télécharger l'album gratuitement. Et là, donc, tout le monde donnait rien. En fait, moi, j'ai donné. J'ai vraiment donné. Mais il y en a certains qui peuvent donner 20$ alors que d'autres en donnent 5. Mais pour eux, en fait, ça a été efficace. Et ça permettait aussi de contrer un petit peu le download des gars. Ouais, c'est ça, exactement. Où tu peux rien donner puis aller les voir deux fois en show. Il y a ça. Acheter un t-shirt. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'était leur manière de lancer leur album. Cette fois-ci, ils ont été un petit peu différemment. En fait, ils proposent un mode de paiement de 9$ par mois pour encourager, pour les encourager. Ah, ouais. C'est drôle. Donc, c'est un mode de paiement. On peut faire ça ou simplement donner de l'argent pour avoir accès à l'album. C'est un peu élevé, je trouve, 9$ par mois. 5$ par mois, peut-être. Tu sais, les connaissants, ça va valoir la peine. Ils vont sûrement donner du matériel. Juste comme ça, moi, je me suis inscrite à 9$ par mois. Le temps qu'à donner 6$ pour le SIDA, je peux bien donner 9$ pour un artiste d'ici. SIDA que je donne déjà, d'ailleurs. Puis tu m'as pas les rushs, là, donc. Alors... Moi, j'ai un bon de... Tu sais, à la fin des impôts, il y a tout le temps les reçus. Bon, non, ça, c'est pour toi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, au final, en fait, avec le 9$ que j'ai pris, puis en fait, tu peux l'arrêter quand tu veux. Ouais. Si moi, dans le fond, j'ai fait ça juste pour ça, bon, c'est sûr que le premier 9$ est parti. Que tu prends tous les bonus qu'ils vont te donner gratuitement pendant un bout de temps. En fait, c'est sûr qu'ils vont, l'étaler. En ce moment, moi, ça me donne accès au spectacle, donc soit lundi ou mardi. J'ai le droit d'inviter trois personnes personnes cool. avec moi pour entrer. Donc, ça donne drôle qu'on soit quatre dans le studio quand même. Ça donne drôle. Ça donne drôle, mais... Hey, oh, moi, je peux conduire. Je vois gratuitement. J'ai... j'ai déjà trouvé mes partenaires, oh. malheureusement. Mais c'est ça, ça me donne droit à quatre passes pour aller voir le lancement. Et ça, cool. ce n'est que le début. Donc, la suite va nous sûrement nous permettre d'avoir des exclusivités, des concerts cachés, ou ainsi de suite, des bonus aussi. Alors, moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Surtout que Mister Valeur, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en travail. C'est pas le genre d'artiste statique qui sort un album, qui font une couple de shows, qu'on va pas pendant un an et demi, puis à un moment, ils reviennent. On a besoin de cash, on revient. C'est ça. Mister, ben, en fait, non, tu sais, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Certains que c'est de même la vie, mais eux, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils sont dynamiques dans leur manière d'être. Donc, moi, je suis certaine qu'en payant mon 9$ par mois, au final, ça va me revenir en moment sympathique avec eux. Privilégié. Alors voilà, donc je vous fais tous chier, entre parenthèses, pour vous dire que je vais aller les voir. Ils m'écrivent un message personnel par semaine. Alexandra, oui, merci oui. beaucoup, pour de vrai. Hein? Alors, et là, mon nom est sur la liste, je vous aime. Hein? Et pour vous faire entendre ce que vous allez manquer la semaine prochaine, on va vous faire entendre le nouvel extrait de Mister Valeur qui s'appelle « Bellevue Avenue ». Alors, c'était Belle Vue Avenue, le nouveau single de Mystère Valère. Mystère Valère qui va lancer son album sous peu, bientôt, et qui vient de lancer son nouveau mode de paiement. Donc, en fait, son nouveau mode pour aider le groupe, donc 9$ par mois, ce qui va lui permettre de créer tout le temps et d'offrir des spectacles aux fans qui vont s'être abonnés à ce mode de paiement. Si vous êtes intéressé par ça, allez au www.mv.mu, très simple, mrvalère.music. Donc, mv.mu, c'est facile à retenir. Vous pouvez télécharger le nouvel extrait qu'on vient d'entendre et participer au nouveau mode de 9$ par mois auquel j'ai fièrement adhéré. Oui, t'es bonne d'y avoir participé. On va voir combien de temps ça va durer. Mais moi, en fait, sûrement que je vais l'oublier. C'est ça, en fait, oui, je vais l'oublier. Ça c'est se renouvelle seul. C'est pris sur ma carte de crédit. Tu y penses une fois par mois, t'es comme, ah, c'est vrai, il fallait que... Je vais m'en rappeler quand ils vont m'envoyer des mails, mais à chaque fois, ils vont me dire, hey, spectacle gratis à telle place. Là, je vais faire... Ah, ben finalement, je suis contente. Oui, c'est ça. Ça vaut ça. Je me désabonnerai jamais. Ça me fait penser, tu sais, au groupe là, qui fait la musique de ce genre-là. Tu sais, le groupe là? MGMT? Non, pas celle-là, l'autre. Là. C'est le groupe. Bonobo? Là. L'autre groupe, là. Tu parles de Passion Pit. Passion Pit! Oh, là, Mathieu, il fallait dire. Vous n'avez pas assez tiré la sauce du sketch, mais en tout cas, c'est pas. Oui, Passion Pit, c'est ce qu'on avait fait en rond, ça a été plus long que ça. Ah, ça a vraiment été plus long, puis on savait vraiment pas de quoi tu parlais. Mais Passion Pit, je trouve, ça ressemble à ça, puis dans le bon sens, j'aime Passion Pit, donc ça. C'est sûr que Mystère Valère a quand même évolué. Au début, il était beaucoup plus jazz. Ouais. Là, en fait, je sais pas si ça représente leur nouvel album, mais c'est beaucoup plus ambiant, électro. Mm-hmm. On verra. Je vais le savoir mardi prochain. Ben voilà. Est-ce qu'on sait comment s'appelle le nouvel album? Non. En fait, on sait que le nouvel extrait s'appelle Belle Vue Avenue, mais sans plus. Voilà. Ben merci, Alex. Ben, ça me fait plaisir. On se retrouve dans deux semaines à l'émission. Potentiellement, oui. Peut-être le 6 juin. Peut-être le 6 juin. On verra. Ou je pas. Vous reviendrai là-dessus. OK. Merci, Alex. Nous, on continue avec une pause. Comprends. Musical. On tourne en anglophone. On s'en va entendre Stéphanie, la position numéro 13. T'as pas les feuilles. Jean-Philippe. Bon, t'as pas de feuilles. Numéro 13. Ben oui, ils sont là. Ouais, mais il y a de l'argent dessus. Ben oui, mais c'est pour toi. C'est ton paiement. C'est ta part du CD Mystère Valère. Oui, dis-moi donc ça. Qu'est-ce qu'on s'en va? Numéro 13 anglophone. Numéro 13 anglophone. On s'en va entendre Sons et la pièce Holocene City. Mm-hmm. Et reste là parce que plus tard à l'émission, on a une nouvelle chronique, Les paroles des autres. Je pense que ça va intéresser bien des gens. Arrête de me titiller. C'est quoi? Je sais pas que je fais ça. Moi, j'arrive de même, là. Pis... Ah, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Imagine, le gars, là, il a rien dit à personne. Il a fait ça tout seul à son bar. J'espère que ça va être bon parce qu'après ça. Bon. Après ça, tu vas être le seul à pogner le blâme. Mais si c'est bon, on va prendre la critique positive. On a des gens de main. Ça ressemble à je requis à la plage. On a du fun. Ouais. Ça fait chaud. Ben fun. c'est tout. Les extrêmes de nos amis. C'est F O U 89-1. Toujours à son âge la plage, il est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Elle est Sébastien Plante. Oui, et on est tout seul, les trois, sur la plage, au resort, là, tout inclus de ces fous, avec notre margarita. Pas le favori. Moi, j'ai entendu dire qu'à Trois-Rivières, il est mouillé. C'est pas pour vous fâcher, mais si tu fais beau en tabarouette. Quelle belle journée. Faut-tu être loser pour rester à Trois-Rivières, hein? Hey, parlant de loser, on fait pas du tout parler de loser. Parlant de gens qui sont pas à Trois-Rivières. Justine Renaud, finalement, est à Toronto. Oh, Toronto. Fait qu'elle vient-tu? Pas sûr. Pas sûr qu'elle va se rendre à temps. On remet ça la semaine prochaine. Sa chronique Justine Procrastine. Ça tombe bien parce que son nom le dit. On remet ça plus tard. Faut s'y attendre. On peut pas s'attendre à de la fiabilité d'une personne à Toronto quand même. Là. Ben là, quand même. Voilà. Donc, on le sait, là, les Torontois. Là. Ben tu vois, j'allais dire, si David Ferron avait été avec nous, il aurait fait une blague sur le gouvernement Harper facilement juste là. Puis on l'aurait pas compris. Non. Puis on aurait passé en musique. Ben c'est ça. Une chance que lui non plus n'est pas à Trois-Rivières en ce moment. Lui aussi va être de retour. Je crois que c'est la semaine prochaine. Il nous avait dit qu'il prenait 2 semaines off. Ouais, je pense que ça a commencé cette semaine, moi. Ça se peut. Il était pas là la semaine passée. Mais merci à David et merci aux autres de pas être là parce que ça va nous permettre de faire une petite chronique qu'on fait de moins en moins cet été parce qu'on n'a pas grand temps pour en faire. C'est quoi? J'ai accumulé plein de choses pour vous renseigner sur la vie. Hein? Tu sais, la vie, c'est important, la vie. The life. The life. The life. Parce que les faits, c'est la vie. Et la vie... Je te vois venir, là. Ouais, ben là, quand elle dit, ben fini, là, la phrase, ben. Alors, commence-la, en fait. Merde. Puisque la vie... Non, le contraire. Merde. Puisque... Les faits, c'est la vie. C'est la vie. Donc, la vie, c'est un fait. Hé! Hey! Fouf! À ça! Un mètre! Dans quoi je me suis embarqué? C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et vous le savez, on n'en fait pas souvent depuis... en fait, c'est notre troisième émission de l'été. Et on a fait une courte la semaine passée et c'est tout. Donc, je me suis accumulé beaucoup de faits depuis les dernières semaines. OK? Donc, on se rafale ça. Ça vous tente? Donc, la chronique s'appelle « Ce sont des faits ». Ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits. Le crayon plomb moyen peut écrire 45 000 mots ou une seule ligne ferait 35 000 de long. Ça fait mal, mal au poignet. Un peu. Il y a bien des choses qui font mal au poignet. Moi, j'étais du genre à péter ma mine. Fait que hey, hein? Je pense que moi, je suis la dernière aberrante. C'est-tu un euphémisme, ça? Mode péter la mine. Mode péter la mine. Comme péter une scène, non? Les fumeurs coûtent à la société moins cher dans le système de la santé parce qu'ils meurent souvent plus tôt en moyenne. Et voilà! C'est une gang de maillets. Qu'on fasse des économies. En Égypte antique et en Irlande, les femmes se levaient debout pour uriner. C'était les hommes qui squattaient, qui se mettaient à quatre pattes pour faire leurs besoins dans le temps. Pas pire, hein? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais en dessous de la table, Jean-Philippe? Je vérifie si tu es correct. Sur? Hein? Sur quoi? Il attache ici, là. C'est... Ah, OK. Il attache ses souliers. Bonne opportunité, la croix, c'est un fait pour attacher les souliers. Écoute, quand t'es en onde, tu devrais mettre du velcro, c'est moins compliqué. Ou tu peux juste ne pas bouger tes pieds, ça paraîtra même pas. C'est parce que mes petites roulettes de chaise n'arrêtaient pas de pogner. Voyons. Il faudrait les petits souliers pour les jeunes. Il y a quelques années, c'était bien en mode, c'est des souliers qui avaient des roulettes en dessous. Ah oui, puis là, comme ça, tout à coup, tu faisais froui. Est-ce que vous êtes déjà demandé de quoi ça avait l'air de la pâte à dents dans son rouleau? Lorsque, tu sais, la pâte à dents multicolore, ça a l'air de ça. La photo est sur assemblagerequis.com, c'est le 3-4e lien. Ah, c'est coupé en deux. On coupe la pâte à dents en deux. C'est, dans le fond, c'est un gros blob blanc avec une croix bleue et verte. Ça, on parle de la Colgate à plusieurs couleurs. Là. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Non, en fait, ça, c'est l'emballage qui est rouge et jaune du côté. C'est pas la crème, boops. Oh. La photo, donc, sur assemblagerequis.com. Assemblerecuerda.com. C'est le site, j'essaie de le dire en espagnol. Moi, d'ailleurs, je suis un peu déçu, puisque j'étais un fan de la marque Crest pour enfants. Qui était un fan Crest. D'une pâte à dents, j'ai rarement entendu. Oui, mais j'aimais la pâte à dents Crest. Oh, oui. Crest. Celle-là qui goûte un peu sucré. Les bubblegum. Ah, oh, ça, c'est bon. Elle est tellement bonne. Elle est crestement bonne. Ben oui, Crest. Crest. Ouais, Crest. Sauf que là, il n'en Crest plus. Quoi? Il n'en trouve plus. Il n'en Crest plus en magasin. Oui, bravo. Non, c'était drôle. Moi, j'ai reçu un échantillon de cette pâte à dents-là il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, peut-être qu'ils vont la ramener avec un autre look et tout. Ah, ça doit être ça. Peut-être qu'ils en font juste un échantillon pour les dentistes. Ben, pour les enfants, c'est tout petit. Bon, je sais pas, là, je suis pas spécialiste. Next! Les diamants ne sont pas si rares que ça. Saviez-vous ça? Et en fait, la raison qu'ils sont chers, c'est parce qu'ils sont contrôlés par l'industrie du diamant. Donc, ils contrôlent la sortie des diamants. Hein? C'est plate, hein? C'est même pas si beau que ça. Ben non. Même pas de couleur. Les prisons, ben, peut-être que si tu le mets sur le bord de la fenêtre, ça va faire comme mes grands-parents, tout le temps. Tu sais, il y avait tout le temps une affaire de même, ça faisait un arc-en-ciel sur le plancher. Ouais, oui, tu l'as dans l'œil à un moment donné, quand tu dînes. Puis là, le chat devient fou. Ouais. Que d'avantage. les prisons du Brésil offrent aux prisonniers la chance de réduire leur sentence en prison jusqu'à 48 jours par année pour chaque livre qu'ils lisent et sur lesquels ils font un genre de rapport comme à l'école. Ah. Un genre de résumé, tu sais, une affaire comme ça. Donc, il y a un programme, tu lis et tu vas avoir moins de jours en prison. Ben, Shotgun et Martine. Ah, Martine à la plage. Ben on dirait quasiment une inspiration pour le titre d'une émission de radio. Quasiment. Ouh. Quasiment. En Arabie Saoudite, les femmes ont le droit d'être des pilotes d'avion. Par contre, elles doivent être amenées à l'aéroport en voiture par un chauffeur parce que c'est illégal pour elles de conduire une voiture. Ah, c'est bien bizarre. Ah. Est-ce qu'ils ont le droit de conduire des autobus? Ah, je sais pas. Ben, c'est comme la règle en français où chaque véhicule est masculin parce que c'est des hommes qui conduisent. C'est la règle. Mais c'est pas vrai. On dit une automobile. Sauf les automobiles. Il n'y a pas une règle. Non, c'est toi la connaisseuse du français. Il n'y a pas une règle là-dessus? Moi, j'ai jamais entendu ça. Un avion, un train, un... D'après moi, c'est un truc mémotechnique. Peut-être, hein? Pour te rappeler. Ça doit être ça. Ouais, en tout cas. Bref. Tu sais, les petits trous dans les joues, là? Les pommettes, les petits les trous, fossettes. Là. C'est tellement cute. Mais là, les pommettes, ça, c'est une bosse. Pas les pommettes, non. Les fossettes. Je trouve quand même. Les fossettes. C'est ce qui est incroyablement cute. Les trous. Donc, c'est bien cute, OK? Mais c'est une faiblesse génétique qui est héritée. En fait, c'est causé par un tissu fibreux qui se connecte à l'os qui est en dessous. Et on appelle ça le zygomaticus major, qui est abnormalement court, qui cause les petites fossettes. Sur le menton? C'est la même chose? Puis ceux qui ont le nombril qui sortent. Il n'y a pas grand monde qui ont ça, par exemple. Non, mais quand t'en connais un... Mais le trou dans le menton, c'est moins cute que les dimples, je trouve, le trou dans le menton. À moins que ce soit pour... je sais pas, c'est sûrement cute sur certains, mais sur certains, c'est... Ouais, c'est ça, je veux dire, quand t'es laid d'avance, que tu rajoutes un trou ou pas, ouais, t'es laid. On n'est pas un trou près, là. Non, c'est pas parce que t'as un trou que... Hein? Faut le remplir, absolument. Le mot à deviner maintenant est ultra-crépidarien. Ultra-crépidarien, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça, c'est quand tu mets une bûche trop exactement. Sèche dans ça le ultra-crépide. Ça ultra-crépide. Ben, en fait, vous bullshitez pas mal bien parce que non, en fait, c'est quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Oh! C'est un ultra-crépidarien. Fait qu'on l'était. C'était là. Pas mal nous autres, ça. Ça va, ça. Yes! Un seul homme est né dans les années 1800 et est encore en vie aujourd'hui. Il y a aussi 15 femmes, donc leur mort va vouloir dire que tous les humains vont être nés après 1900. Donc il reste un homme et 15 femmes nées dans les années 1800. Est-ce que tu sais de quel pays il vient? Non, non malheureusement, non. Triste. Hein? Ça doit être un Asiatique. Ils sont bons dans tout. C'est un air sciatique. la personne moyenne va regarder son téléphone combien de fois par jour, selon vous? Regarder. Ouais. Pas nécessairement agir, mais le regarder. Moi, je pense qu'un étudiant, c'est plus souvent parce que t'as hâte que ton cours finisse. Vrai. Moi, j'irais avec 75. Non, double-moi ça. Ah, ouais? Ça t'est 7, 14... 150? Exactement 150. Quand je dis double-moi ça, c'est double-moi ça exactement. 150 fois. C'est compliqué, là, doubler 75, ça. Ben 70 oui. fois ça. 7 plus 7, 14, plus la moitié des deux, ça fait 5. Bon. Ben non, mais tu fais juste comme 3, 25 cents, plus 3, 25 cents, ça fait 1,50. Avec le... Sur le plus... Ouais. Puis là, si tu rajoutes une pomme là-dedans, puis une orange... Puis un docteur, parce qu'il l'éloigne pour toujours. Ouais. Combien d'est-il de kiwi? Ah. Quel est l'âge du chauffeur d'autobus? Ouais. Justement, parlant de penser et d'après ça, cause des malaises, ça prend 4 secondes pour qu'un silence devienne inconfortable. On essaie-tu? On n'a pas été capable. Non, c'est ça. J'allais dire, on se retombe mon petit doigt. Parce que vous avez dit la même affaire en même temps. Je me demandais ce que tu dis que t'allais sortir. Crois-moi, c'est plus qu'un petit doigt. ensuite, toujours dans cet effet, détester le son de quelqu'un qui respire ou qui mange. Comment est-ce que ça s'appelle selon vous? Je vais à l'envers. L'anormalie. L'anormalie. La normalité. C'est la aime ça attendre, faire comme... Super. Non, je vais vous donner des indices. Ça a rapport avec... c'est comme quand tu entends quelqu'un qui sape sa soupe, OK? Oui. Donc, allez-y avec les soupes. Qu'est-ce que ce serait le mot, mettons? Soupière. Non, avec une soupe asiatique. Wonton? Non, un autre. Miso. Ah, misophonie. C'est un désordre au cerveau, en fait, la misophonie, qui fait que tu détestes les bruits des gens qui respirent et qui mangent. c'est un désordre. Tu peux avoir cette maladie-là. OK, mais là, ça te cause problème. Oui, oui, c'est parce qu'il y a personne qui trouve ça agréable, je pense que. Personne trouve ça agréable, mais il y en a qui vont comme. Ça va comme. Virer fou. Comme un tableau dans la tête, là, tu sais. Comme un tableau dans la tête. Ouais, c'est ça. Ça serait une belle toune, ça. Comme un tableau dans la tête. Au Japon, à l'époque, les guerriers mettaient de la graisse de. Comment, excuse-moi. De crapaud. La graisse de crapaud partout sur leur corps. Ils croyaient que ça allait les rendre impossibles à percer avec un épée. Ah! Logique. La graisse de crapaud, bien logique. Le niveau d'intelligence d'un chien moyen est équivalente à 2 ans pour un humain, alors que pour un chat, son intelligence est à environ 1,5, 1,5. Mentalement. Bah! Ça ne veut même pas compter! Pourtant, il y a des chevaux qui savent compter. On sait pas. Si un chien guide juge qu'une commande n'est pas sécuritaire pour lui-même ou pour son maître, il va refuser la commande. On appelle ça de la désobéissance intelligente. C'est cool, ça. C'est très bien. Bravo. Puis pourtant, ça a juste 2 ans. D'âge mental, oui. Mais ils sont éduqués par des éducateurs. Fait que peut-être que leur tuteur les a montés d'un cran. Il les a pimpés. C'est ça. Pimp my dog. 10507, c'est le record du plus de push-up à avoir été fait par un homme, par une personne en fait, et c'est un homme japonais qui l'a accompli. Donc 10507 push-up. Je m'en serais douté qu'il était asiatique. Toi, là, tu mets la barre haute. C'est comme du racisme inversé. Ouais. Si on veut. C'est à peu près ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça dit 10507 push-up, mais on en dit combien pas, de temps? En combien de temps? Un. Et l'équivalent chez la femme, le nombre de brassières push-up dans sa garde-robe, ça dit pas. Ah! Un autre mot à définir, c'est même pas drôle. Excédent thésiaste. Qu'est-ce que c'est? C'est quand t'es pas capable de voir quelque chose qui a des surplus. Une grosse personne, mettons. Des excédents. Un excédent... je sais pas. Non, c'est quelqu'un qui cache sa douleur ou sa misère, OK, derrière un faux sourire. Oh. Excédent enthousiaste. C'est denté. Ça va? Oui, c'est ça. C'est la pire journée de ma vie. Le rotacisme, qu'est-ce que c'est, rotacisme? Le rotacisme? C'est quand t'acceptes juste tes rotes. À toi? À toi. Tu refuses les autres? Oui, ceux qui rotent, non, c'est non. Rotacisme, c'est un problème de l'allocution, si on veut, un problème de parler, où une personne est incapable de prononcer des R et va dire des W à la place. Ouais. Fait que lui, il dirait rotacisme. Mettons, je suis fan de rock. Ou de wouche pompouillé. Wouche pompouillé. Ah, ça fait tellement africain, excuse-moi, faut pas, c'est pas du racisme ici. C'est du raw racisme. Wouche pompouillé. Ou Jean-Philippe Chabolo. Ah, c'est tout le temps trop, ok. Puis ouais. En plus, je suis même pas bon pour faire un accent africain. Ah, pardon. Ça fait que c'est du raw racisme. What racisme. Bon, ok. J'ai un tongue twister pour vous. Ah, vous êtes pas sur le site d'assemblagerequis.com, mais comme il y a 500 millions de sites en fait aujourd'hui, ça va être difficile à chercher. Moi, je suis direct dessus. Oui, ok. Cherche la phrase qui commence par cacacou. Ouais, je suis clairement dessus. Là. Ok, dis-la. Kakaku, kata, coucou, kaki, kariku, kaki, le raté déjà. Kikis, cucu, kaki, kiriku. C'est un tongue twister. Tongue twister en français, c'est quoi? C'est un virlangue. Un virlangue. Donc, c'est en malais. Malaisien, j'imagine. Malais. Kakaku, kata, coucou, kaki, karaku, kaka, coucou. Et j'imagine qu'il faut que tu le dises 3 fois avec. Donc, ouais. Ça doit être comme panier, piano. Ouais, même dans ma tête, moi aussi, ça a comme un peu buggé. Papier, piano, panier. Papier, piano, panier. Une fois, c'est parfait, mais la deuxième... Papier, piano, panier. Hein, c'est pas super, ça. En français, je te demande beaucoup d'aide aujourd'hui, Stéphanie. Une bridesmaid, c'est quoi? C'est une dame d'honneur? C'est lors d'un mariage? Oui, une demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur, voilà. Donc, la raison qu'une demoiselle d'honneur existe à l'origine, c'était pour confondre les esprits maléfiques, pour qu'elle ne puisse pas deviner qui était la vraie mariée dans le groupe. Hein, rapport. Pas pire, hein? C'est celle-là qui est en train de virer folle. Bah oui. Que les cold feet, c'est quoi en français, ça? C'est celle qui a viré une brosse il y a 2 semaines pour son enterrement de vite fille. Qui a couché avec le danseur. C'est ça. Hey, j'ai hâte de me marier. Cool. Un phénomène qui s'appelle le phénomène de Bader-Meinhof. C'est quand une personne apprend un nouveau mot ou une nouvelle phrase et voit ces choses-là tout le temps après l'avoir appris. Tellement. Mais ça, c'est un peu quand tu t'achètes quelque chose, là. Ouais. Mais tout le monde a ça, ce phénomène-là. Ouais, mais c'est cool. Vraiment? Là, t'as l'impression quasiment qu'il y a quelqu'un qui t'a espionné, puis là, il met ça sur ton chemin dans ta vie. Là. Comme le show Truman. Oui, pareil. Ah, ça, c'était bon. Donc, oui. C'est le phénomène de Bader. Un film que t'as vu, Mathieu. Un des seuls, bravo. Hein? Merci. Au Japon, si t'achètes... en fait, tu peux acheter des pilules qui vont garantir que ta défécation va être complètement inodore pendant à l'intérieur de maximum 3 jours. Tu vas prendre cette pilule-là pendant 3 jours et ton va rien sentir. Mais je te parle pas de ton haleine. Ça, c'est un effet secondaire. Ça s'appelle des menthes. Il y en a-tu pour pas que ça fasse de bruit quand tu es dans un endroit public? Non, eux, appelaient sur des petites machines sur le mur. Hein? Il y a des machines sur le mur, des machines à son en Asie. Ah, oh, comme des petits bruits chute, d'eau. Ouais. Ah oui, ah, ça, ouais. C'est... À ce prix qu'ils sont rien. Comme à ça. À d'autres places, ils écoutent, c'est fou. Ah! Oh, ben maintenant, ils ont l'air. Non, c'est vrai. Ils vont revenir, mon ami. Oui. On vient de perdre notre auditoire. Toujours, ma collègue, c'est un fait. Collègue des choses véridiques, véritables et vérifiables. Il y a un groupe de métal qui s'appelle. J'ai pas l'extrait, malheureusement, et on n'a pas le temps. Mais il y a un groupe de métal qui existe avec un perroquet comme frontman. Ça s'appelle Hatebeak. Donc, c'est le vocaliste est un perroquet. Ça doit être bizarre, non? Je sais pas. J'aurais envie d'aller chercher l'extrait quand même si on n'a pas le temps. Je suis même, moi, prendre trop de temps pour rien. Pendant qu'on va continuer, tiens. Toujours au Japon, prendre une sieste au travail, c'est vu comme étant de la fatigue après avoir bien fait ton travail. Donc, c'est complètement acceptable. Les employés font semblant de s'endormir pour avoir l'air d'avoir beaucoup travaillé. Uh-huh. Oh puis, boy! Pas de même ici, toi? Puis pendant que tu le cherches, je pourrais te faire un autre fait, si tu veux. Vas-y donc, hein. Comme, mettons, dans Terminator 2. Tu voulais-tu le dire ou c'est correct? Arnold. Ah, non, vas-y, Caroline, garde-toi. Pendant que tu cherches ça. Arnold Schwarzenegger était payé, a dit 700 mots. Et puis, il a été payé 15 millions. Ça veut dire que quand il dit Hasta la vista, baby, ça a coûté 85 716 $. Hey, c'est cher du mot. Ouais, mais d'après moi, ils ont payé pour ses pipes. Ses beaux pipes. Hey, êtes-vous prêt à entendre un extrait de Hatebeak s'il n'y a pas trop de pub avant sur YouTube? Oui. On écoute ça. Attention. Hatebeak, groupe avec un perroquet. Pourquoi c'est-tu le perroquet qui chante ça? Non. Là, on me niaise, là, clairement. Là. Ouais. Mais tous les noms des chansons ont genre The Thing That Should Not Beak, un jeu de mots avec beak, tu sais, un bec. C'est drôle. Et Bird Seeds of Vengeance qui est celle-là. I am not a parrot. Meilleur extrait, celui-là, je pense. Ben c'est donc ben bon, ça! Ben ça, tu peux te mettre ça pour réveiller le matin, là, tu vas voir, là, c'est en 5 secondes, là, t'es prêt pour n'importe quoi. C'était spécial, hein? Ouais, ben c'est un bon, ce serait un bon lead-in pour les palmarès le vendredi soir. Yeastiality, maintenant, qui est un fétiche. Yeastiality, essaye de deviner ce que ça veut dire, yeastiality. C'est quand tu dis ouais à tout. Ça aurait pu. Non, en fait, c'est un fétiche où on veut avoir des relations avec du pain ou n'importe quelle forme de pâtisserie. Ah, j'étais presque là. Yeast, c'est l'affaire qui fait lever la levure. Ah, la levure. Yeast, non, yeast yality. Hey, j'ai dit ça, ce maladie-là, moi? Ben, une à affaire toi de pâtisserie. Un bagel? Ah, je suis plus viennoiserie. Okay. Un petit collant, par exemple. OK. Il n'y a rien comme une chocolatine. OK, donc toi, c'est vraiment juste la pâtisserie. Il n'y a pas le gars qui va s'insérer dans la pâtisserie qui va s'insérer dans toi. Là. Je pensais que c'était ça. Hein? OK, laisse moi. Wow! 83% des hommes et seulement 58% des femmes ont des petits froids dans le dos quand ils font pipi. Après avoir fait pipi, on a des fois un petit frisson. Donc 83% des hommes et 58% okay. des femmes. Là, on va se parler sérieusement. Oui, vraiment. Ça vous le fait-tu, vous? Vous savez. André, je comprends pas ce que ça s'en va. Moi non plus. André, j'ai la satisfaction d'avoir de la petite broue dans la toilette quand t'as fait un gros pipi. Ben, c'est tout ce que j'ai réussi à déplacer la pastille dans l'urinoir. Yes! Hey, ça, j'ai jamais fait ça, les gars. Déplacer de pastille dans un urinoir. T'as encore le temps, nouvelle toilette, puis ça. Il y a un livre, on en fait beaucoup de faits aujourd'hui, mais Colin, je n'ai accumulé plein, fait que continuons. Il y a un livre de cuisine qui est disponible qui s'appelle Natural Harvest, la moisson naturelle, qui est une collection de recettes basées sur le sperme. Ouais, ça va, c'est nutritif. Il y a une condition psychologique où les gens ne peuvent pas travailler, ni dormir, ni se concentrer parce qu'une chanson est dans leur tête, un verre d'oreille. C'est une condition psychologique. Ouais. Ça dit pas le nom de la condition, mais comme. Ouais, j'espère au moins que c'est une bonne toune. Tu sais, des fois, t'es pogné avec une toune. Baby, ouh, baby. Ça, c'était la semaine passée, on avait un fait sur Justin Bieber. Ah. Moi, j'ai souvent un gadou dans la tête, mais ça, c'est. Hey, j'ai acheté le vinyle. D'Agadou, tu niaises. Non, je te jure. T'as acheté le vinyle de Patrick Zabé? Oui. Ou juste Agadou? Non, en mais. Boucle? Oui, mais il y a juste deux tunes dessus. Ah, c'est quoi l'autre? C'est Agadou, puis de l'autre côté, c'est Agadou. C'est un remix. Là, oui. c'est une lecture d'un livre d'Agadou Christie. Non, mais. Ah. Agatha. On revient en Asie. Une majorité des Asiatiques ont une tache de rousseur, mais une tache de bleueur, si on veut, sur leur fesse qui s'appelle le Mongolian Spot, la tache mongolienne. Oh. Ou mongole, je pense qu'on doit dire. Ah, ça n'a pas rapport avec Gengis Khan, ça? Peut-être, hein? Moi, ça, j'avais écouté une émission qui parlait de Gengis Khan. Puis il y avait une tache de naissance. Puis supposément qu'il aurait tellement forniqué qu'il y aurait à peu près la moitié de l'Asie que c'est sa descendance, puis il y aurait la même tâche de naissance. Yes, we can. Oui. Barack Obama. Oui. Lécher ta propre plaie va accélérer le processus de guérison parce que la salive humaine contient des antibactériens, des trucs antibactériens. Donc, si tu lèches ta plaie, ça va accélérer la guérison, nous dit-on. Ah, ben coudonc, quand t'es mal pris. Un coup mal pris. Les 8 V dans V8, le jus de tomate, là, c'est tomate, épinard, céleri, carotte, betterave, laitue, persil et ce qu'on appelle le watercress. Est-ce que tu veux me taper ça rapidement? Watercress, qu'est-ce que ça veut dire? Pas du cresson. Cresson. Je sais pas. Ça doit être ça. Mais c'est, j'ai pas l'ordi le plus rapide. Non. Stand-by. Oups. Attention. Attention. Mais bref, 7-8 affaires. Pas pire. V8, 8 affaires. Hein? Belle logique. Belle logique. Alors, ensuite de ça, le Nutella a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'un pâtissier italien a mélangé des noisettes dans du chocolat pour, si on veut, étirer la ration de chocolat qu'il y avait. Il y avait pas assez de chocolat. En mettant des noix dedans, ça fait que tu as plus de chocolat, plus de gens, tu étires la sauce. Mais il est tellement brillant, c'est parce que ça goûte le ciel. Oui, c'est ça. Hey, moi, ce midi, j'avais envie de Nutella. Ouais. Petite tranche de vie. Normal. Hein? Tranche de vie. Et puis, j'arrive pour en manger sur un. Comme une biscotte, là. Un craquelin. Ouais, un genre de craquelin, mais pas salé. Non, j'espère. Puis, il me restait plus ça. Tout ce qui me restait, c'était un duo Pinotti. Pas pareil. Hein. Ben non. Oh. Non, je suis très. Non, c'est tout le temps décevant. Ouais. J'étais comme, ah, tu sais, ça va être cool, un peu de variété, ouais. Tu sais. Puis, non. On dit tout le temps ça à l'épicerie. Ah, ben, je vais prendre le moins cher, tu sais. Ça doit être bon, ça. Ben, moi, c'est quelqu'un qui m'a laissé ça. Oh! C'est de l'usager en plus. Oui, c'est de l'usager. C'est pas du new, t'es là, c'est du old, t'es là. C'est du old, t'es là. Note ça. Ouais. Je te niaise. Voici un néologisme utile pour tout le monde. Pour ceux qui ne comprennent pas mon humour, et ici, je pourrais nommer tellement de noms. Pour ceux qui ne comprennent pas le sarcasme, OK? On a le mot sarcasm, mais chasm est appelé comme un chasme, tu sais, la distance entre deux affaires, tu sais, un chasm. Ouais. Donc, c'est la distance entre une personne qui fait un commentaire sarcastique et la personne qui ne le comprend pas. C'est donc un sarcasm. C'est quoi en français, un chasm? Je le sais pas. Comme, mettons, quand tu vas, mettons, une grande formation de roches, là, tu vas avoir un canyon. Grand, un canyon. Un canyon. C'est comme un sarcanyon. Sarcanyon. Bref, je trouvais ça cool, mais bon, c'était pas si drôle que ça. Les vélos pour femmes, tu sais, la barre, on dit tout le temps, la barre est comme plus en pente comparée aux gars. Pourquoi, vous pensez? Je sais pas, mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça bizarre. Je me suis dit, il me semble que c'est les hommes qui auraient besoin que la barre soit plus loin. Tellement. Mais non, c'est pour que les femmes puissent faire du vélo en robe. Ah! Si tu parles d'un idée de. Tu fais pas ça en robe? Ben, ça arrive. Non. Pourquoi c'est moi qui dis ça? À l'époque, peut-être, je sais ça pas. Ça arrive. En rafale, selon les scientifiques japonais, se réveiller tôt le matin, ça va augmenter ton risque d'avoir une attaque cardiaque. Donc, nous, une chance qu'on est rendu l'après-midi pour l'été. Hein. Hey, on est safe. Qu'est-ce que la conséco-taléophobie? Conséco-taléophobie. Quand tu penses qu'il y a des conséquences négatives. T'as peur! Ouais, t'as peur. Personne qui fait un jeu de mots avec Conseco, le joueur d'un sport quelconque. Là. Ben hey. Oui, mais c'est qui ça? Je ben le oui, sais, comment ça tu le sais? Toi, dire tu Conseco, fais, le sport. Ah, je sais pas. Conseco, taléophobie, c'est la peur des petits bâtonnets chopstick pour manger de la nourriture asiatique. Il y a beaucoup de choses asiatiques aujourd'hui. Les baguettes? Oui, c'est vrai. Tu sais, planter d'un œil, ça peut faire vraiment mal. L'écran solaire va augmenter les chances d'avoir un cancer de la peau et va descendre les niveaux de testostérone chez l'homme. Oh, je suis dans un dilemme, là. J'ai dilemme. Est-ce qu'on finit bientôt? Je pense qu'on s'enclenche une quelques derniers, puis on arrête là, je pense. Les chances qu'un mari ou une femme devienne obèse augmentent de 37% si son ou sa partenaire est obèse aussi. 37%. C'est logique. Plus élevé. Je vais finir avec un drôle, moi. On dirait que c'était pas drôle, ça. L'effet Google. On appelle ça l'effet Google. C'est que t'as plus de chances d'oublier des informations si tu sais qu'elles sont facilement trouvables sur un engin de recherche. Ben, c'est logique. C'est tellement logique. Mais c'est qui? C'était Einstein qui a dit « J'ai pas besoin de savoir la plupart des affaires sur telle affaire parce qu'il y a un livre pour ça à la bibliothèque. » Ça reste qu'un génie peut pas prendre toutes les informations de la vie pour rien. Ça te donne rien de les savoir. Malgré, moi, j'aime ça retenir des trucs par cœur parce que je suis fan de jeux télévisés, là, des quiz. Oui, là. Le tricheur, c'est le genre comme. Le tricheur, mais taxi payant, oui. Là. Fait que moi, je suis comme, oh mon Dieu, je suis encore dans le taxi, c'est cool. Là. Puis, Ah, avez-vous entendu parler que Jean-François Mercier, je l'aurais fait si j'avais fait une chronique télévision aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Oui, j'ai entendu parler. Bon, bah, pas ça, moi. C'est pas chronique, mais pas moi. Il va animer la version québécoise de Hollywood Squares. Oh! Donc, ça va s'appeler le Tic Tac Show. Ouais, ça, c'est un peu mauvais. Il est allé à l'émission du matin, c'est les Bonjour 2, là, sur VTVA2. Il a dit, c'est pas moi qui a eu l'idée du nom, je veux même pas être blâmé pour ça, imagine. Le gars qui anime l'émission veut pas être associé au Tic Tac Show. Tic Tac Show. Comme Tic-tac. Kanja du show. On se commande. Non. On se commande-tu? Est-ce qu'il y aura ticket-ticket-ticket? Oui, okay. Oui. L'agliophobie, c'est-à-dire qu'une personne qui a peur de la douleur émotionnelle ou physique. Agliophobie. À quand un drôle pour que je puisse faire la colle? Mais oui, c'est plate, ça. La technologie au rayon X montre qu'il y a trois autres versions de la Mona Lisa en dessous de la version visible. Donc, le gars refait sa peinture par-dessus de la Mona Lisa. Intéressant. La télophobie, c'est la peur de ne pas être assez bon. Ou peut-être de ne pas être assez bon pour faire une chronique sur quelque chose de drôle un jour. Moi, ça, j'allais dire. Je me sens que c'est ton genre, ça. Le contraire de la paranoïa, c'est la pronoïa, qui est la croyance qu'une conspiration existe, mais pour t'aider au lieu de te nuire. Tu sais, des fois, les gens sont paranoïaques parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui gâche sa vie. Ouais. Mais là, la pronoïa, c'est le contraire. OK, genre, il y a un ange gardien. La bonne étoile. Là, puis... Mais c'est ouais. Un peu bizarre, ça. OK, j'en avais gardé un pour la fin. Je vais aller directement à celle-là. T'sais. Bon, faisons ça. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, oh, c'est pas celle-là. Je pensais que je l'avais mis à la fin. Oh non! Fais celui sur la banane. Attends, hein? Où cherche, ça, une banane? Banane. C'est devant toi? Ouais. Fais le don, va. 2, 4, 6, 8. On se rendra jamais. Non. Fais-moi pas ça. Oui. Ah oui, OK. Mange des bananes. Je l'ai. Ouh! Manger des bananes, là, par contre, vu qu'il n'est pas à la fin, on va le refaire la semaine prochaine. Ben là, c'est pas grave, on va te le dire. Okay. Manger des bananes, ça va te rendre plus attirant pour les moustiques. Ah, oh, c'est ça mon problème! Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est pour vrai, je suis comme une espèce d'aimant à maringouin. Puis une banane par jour éloigne le médecin pour toujours, qu'ils disent, là, mais ça attire banane, les moustiques, ça a l'air. Ah ouais. Voilà. Ah ben, je t'allais-tu trouver? Merci, JP, tu l'as trouvé. Allez voir sur twitter.com/asrequis. Il y a une liste complète de tous les faits que j'utilise et que j'utilise pas pour la chronique C'est un fait. Donc, cliquez sur la liste C'est un fait pour la chronique des choses véridiques et véritables et vérifiables selon Internet. Voilà pour ça, twitter.com/asrequis. C'est tout un sprint, ça. On a fait beaucoup trop, mais quand même que ça valait la peine, non? On devrait aller se reposer en musique. On en fait. Qui a dit quoi? Je sais pas. Jean-Philippe, il a dit qu'on en fait jamais trop. Puis moi, j'ai dit qu'on s'en allait à la musique. Non, on finit l'heure, en fait. Fait que t'avais raison, toi, mais toi, t'avais tort. Oh, mais... Oh! Hey, je me sens enfargé. Finalement, c'était le contraire. Ben, pour de vrai, c'était le contraire. C'est moi qui ai dit, comme, je suis prêt, là. Je suis comme, OK, deuxième position. Ouais, malgré que c'est ma job, ça, JP. Ouais, c'est vrai. Oh, hey, oh, chacun vole le poste de l'autre. Ah, c'est correct, je peux avoir ton salaire avec. Mais pour l'instant, c'est pas grand-chose, je pense, ton salaire, de toute façon. C'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve tantôt en troisième avec qu'est-ce qu'on a dans le plan. J'ai tellement dû réduire ma police de caractère pour pouvoir rouvrir tous les liens en même temps de cet effet, ça n'a pas l'air. Ah oui, tantôt, au retour, on a la nouvelle chronique Les paroles des autres. Oh! Enfin. Hey, c'est le temps. On va aussi faire son foutu palmarès. Véronique Mire s'en vient pour sa chronique de Z à A. Pour l'instant, ben, on prend une petite pause, les amis. Restez là! Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. La troisième heure d'Assemblage requis pour la semaine du 20 mai 2013. Et Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis, oui. Je veux s'enfarger, pas grave. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bra. T'as dit Charbonneau, ça tombe bien qu'on a de l'eau sur le bord de la plage comme ça. Oui, ah, j'ai mon petit charcoal au charbon. Oui, charbon comme Charbonneau, j'aime ça. Oui. Ça pourrait nous inspirer une prochaine pub pour l'année prochaine, ça me donne bien. Peut-être. J'aime ça. Stéphanie Paradis. Radis. Ben, en fait, on est à la plage, c'est le paradis. C'est paradis. Facile. J'ai ça, Radis. Hein. Sûr que quand l'eau est froide. Syndrome de la tortue. Ben, c'est ça donne comme un petit radis dans l'entrejambe. Ah, mais ça me concerne pas, par exemple. Non. Ben, quoi qu'un radis, ça a plus de sens pour quelque chose de féminin que quelque chose de masculin, quand tu y penses. Quand on y pense. Si tu veux faire des jokes de sexe, alors, laisse faire. C'est masculin, radis. Malaise! Steph, t'avais quelque chose à me présenter, je pense. Oui, mais en fait, j'ai une nouvelle acquisition dont je suis particulièrement fière. Donc, je vais sortir ça de mon sac et je vais vous montrer ça. Stéphanie voulait me le montrer avant. J'ai dit non, tu gardes ça pour le en. Oui, on fait ça live. J'espère que ça va être une meilleure anecdote que moi puis mon char mal parqué. Toi, t'annonces des anecdotes qui sont supposées être super drôles. T'arrives, t'es fait une heure plus tard parce que tu l'as mentionné pendant 15 fois, genre. Puis ouais, c'est pas drôle. Steph, la barre est haute. Ben non, mais... je me suis procuré un magnifique sac banane. OK? Je vais le mettre pour vous. Ah oui. Est-ce qu'il est neuf? Non, je l'ai... Il a l'air neuf, à ton avis? Non, mais là, c'est pour ça que je demandais. J'avais peur de dire, hey, il a l'air vieux. Ouais, comme je non, mais tu sais, je l'ai même pas payé. Là, tu sais, ça vient d'un sous-sol d'église. Là. Mais c'est du cuir, ça vieillit bien, du cuir. Oui, c'est du vrai cuir. Tu pourrais le traiter. Donc, oui, le traiter de nom. Oui. Donc, on le met à la taille et c'est magnifique. Je peux traîner ma petite monnaie à la taille. Il a l'air un peu slack, par contre. Mais, tu le serres un peu. Mais il est pété, là, on s'entend. Là, c'est vieux. Il va falloir mettre du duct tape après ça. Ah, donc, ça fait une super de belle hanche. Ben, il est assez gros quand même, donc il est volumineux. Là. Assez pour mettre un téléphone satellite. Oui. Les vieux téléphones cellulaires. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il est mou. Il est soyeux. Il pue. Il pue, c'est incroyable. Je veux dire, il était d'un sac de poubelle dans le fond d'un armoire. Là, dans Boulamute. D'un sous-sol d'église. Là. Écoutez, et... Qu'est-ce que j'ai dans mon sac banane, vous pensez? Mais y'a-tu des choses dedans à la base ou t'as mis toi-même des choses? Il y avait rien, c'est moi, OK? Moi, je dis, ben ouais, là, je viens d'avoir confirmation. Une banane, oui! Oui. Je traîne la banane! Dans un banana case, en plus. Dans mon banana case, dans mon sac banane. Oh, c'est beau. C'est méta, c'est fou, comment t'appelles ça, l'affaire? Mise en abîme. Mise en abîme. Écoute, je c'est comme la vache qui rit. Oui! Hein? Ou un verre de slush papier. Parce que si tu regardes bien la vache qui rit, ses boucles d'oreilles, c'est des vaches qui rient. Donc, je suis super contente. Bravo. J'ai mon sac banane tout lit. Mais je vois que t'es du genre à porter ton sac banane sur le côté avec style. T'es pas middle. Là. Non, c'est ça. Je le porte sur la hanche. C'est un peu plus 2013. À l'avant, on s'entend qu'on tombe direct des années 90. Ouais, c'est direct. Mais tu sais, un petit peu sur le côté. Mais là, en plus, j'ai une camisole asymétrique. Ouais. Fait que ça descend dans le rayé. Oui, c'est vrai. Fait que ça reste quand même, là, ça... Ben, tu vois, ça pourrait, tu sais, ça a du style quand même. S'il avait été fluo, j'aurais sûrement plus ri de toi. Mais le pire, c'est que j'ai quasiment le goût de le mettre. Oh. Je pense que je l'aime pour vrai. Mais ça va revenir pour vrai à mode, là, dans Filles d'aujourd'hui. Je sais pas quoi, full fille. Ils vont en parler, ça s'en vient, je suis sûr. Full fille. Full en fille tout cas, fait que je peux traîner ma banane. Puis moi, je suis pas du genre sacoche dans la vie. Parce que j'ai ça traîner des affaires. Puis je vais pouvoir mettre mon portefeuille, toute la kit. À Montréal, là, je vais être in. C'est parti. Oui, c'est ça. Rends-toi le côté des cheveux, mets ton sac banane, porte du fluo. Tu vois, et voilà. C'est bon. Et voilà. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Évidemment, c'est une bonne anecdote. Ouais. Je suis gêné des miennes. Ben, pour vrai, ça te donne plus envie d'en faire, ben. Ben non, je pense que c'est fini. Il va falloir que je me pratique devant un miroir. Oh, ah, voulez-vous une puff? Pas tant. C'est dégueulasse. Pas tant. La sueur de multiples hommes qui ont porté ça autour de leur taille. Ouais, un sac banane qui sent la vieille banane. C'est un sac pour hommes? Je sais pas. Ben, c'est un peu unisexe. Ben, en fait, c'est aucun sexe du tout. Tellement drôle. En tout cas, moi, c'est vrai que quand tu portes ça, c'est comme... Tu peux pas fourrer. Faut pas crouser, là. Oh, tout nu avec ton sac banane. Oh oui, on fera une photo. En reflet dans l'eau du... Ben oui. Puis là, t'ouvres le sac banane, c'est comme qu'est-ce qu'il y a dedans? Une banane! Puis là, dans le fond, t'as fait un trou! Ah! bon. Hey, les amis, sur cette tranche de sac banane, mes amis, j'abuse de mes amis, c'est le moment de nouveau segment, en fait. Segment à demande du public. Je pense que tout le monde nous écrivait. Oui, tu fais ton petit Joselito Michou avec tes mains placées à... J'écoute. Comme ça, tu m'écoutes, tu veux savoir ce que c'est, parce que tout le monde est vraiment... Je suis très nerveux. Oh, la banane sonne, on répond à la banane. On dit tout en onde, hein? Oui. C'est un nouveau segment qui s'appelle Les paroles des autres. Ça va être un succès, je peux vous le garantir. On va faire ça tout l'été, en fait. Je vais essayer de le faire pas mal toutes les semaines. On vous laisse deviner un peu ce que c'est. Donc, en écoutant la chanson thème, voici les paroles des autres. Voici la chanson thème de la chronique « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Ready? C'est la chronique Les paroles des autres. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? J'ai compris. Oui, on a compris le principe. En fait, c'est qu'on fait jouer une chanson qui est utilisée soit pour une chronique ou pour une émission ou n'importe quoi à l'intérieur de nos émissions Assemblage requis, Les palmarès, c'est fou. Mais là, on l'écoute au complet pour de vrai. Au complet, d'habitude, on entend les 10 premières secondes, 15 secondes, des fois 45, dépendant de quelle chronique on parle. Il y a des intros qui sont beaucoup trop longues, je le sais. Oui. Moi, je t'ai mis parce que c'est la toune de ma chronique préférée. C'est pour ça que j'ai commencé par celle-là. C'est la chanson thème de la chronique Sexe, ça devrait pas là, qui est notre chronique gadget insolite qu'on fait pas mal tout le temps à Assemblage requis. Donc, c'est la chanson Patricia's Moving Picture. C'est sur le deuxième album de la formation de Go Team, album qui s'appelle Proof of Youth, sorti en 2007. Et pour ceux que ça intéresse, ça a été récemment utilisé dans une pub à pub, qui est mon abréviation pour une publicité. Ben oui, les gens disent pub, moi je dis pub. Non, mais faut être hipster dans la vie. C'est ouais. Ça. Donc, c'est une pub pour Verizon Wireless, une compagnie de téléphone aux États-Unis. Mais faut dire que c'est un groupe anglais, donc plus international. Tu sais, quand on entend une pub à la télé qui utilise une chanson québécoise ou quelque chose comme ça, ça fait comme « Wow, je suis un des seuls à connaître ça, puis c'est vraiment cool. » Là, c'est un groupe assez connu, donc quand même. Mais le Go Team, on aime ça, c'est très, très bon pour vrai. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a mis une chanson pour la prochaine chronique Les paroles des autres qui veut se lancer? Parce qu'il y en a comme littéralement une cinquantaine de possibilités de chansons pour nos chroniques et nos émissions. Mais c'est juste pour les émissions aussi? C'est chronique et émission à travers tout ce que j'ai fait assez fou. Donc ça peut être n'importe quoi dans le passé, dans le présent. J'aimerais donner un vote à la toune des palmarès. OK, parfait. La toune d'intro. OK, ben c'est une bonne idée. Parce que je la trouve vraiment très bonne. Il y a la toune de ma chronique à moi, Les petits bonheurs, que je trouve très bonne. Okay. Puis qu'on chante tout le temps, puis que c'est le fun. C'est vrai. La pub de Cheese Whiz, non, okay, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Okay. Mais ça serait deux que j'aimerais entendre au complet. Ben, c'est parfait parce qu'il y a une petite twist avec la chanson des palmarès. Une twist que tu vas peut-être pas nécessairement reconnaître complètement la chanson thème. Donc, en tout cas, on s'en reparle la semaine prochaine dans la chronique Les paroles des autres. Voilà, on aime ça. Allez sur assemblagerequis.com pour le nom de la pièce et pour l'entendre. En fait, il y a le petit lien là-dessus. Donc voilà, toujours Assemblage requis à la plage. Le temps file, on n'est pas tellement en retard dans notre temps. Même qu'on suit parfaitement notre petit plan. Notre lancée. Rare, hein? Notre lancée, oui, c'est bon. On accueille Véronique Mire. Ouais! Yeah! Bonjour! Me voici! C'est sa chronique de Z à A, une des seules chroniques en ce moment qui n'a pas d'intro à vraiment une vraie intro. Ben oui. On y en chante une, on est bon là-dedans. OK. C'est des... Non, faut le faire à l'envers. Non, à l'envers. Z, Y, X, B, A. Ça tombe un petit peu à plat. Je fais les barytons. Donc, de Z à A, qui n'a pas d'intro, mais par contre, elle a un fond qu'on entend en ce moment, qui a été créé par Danny Janvier, notre producteur ici à C'est fou. C'est notre fond générique, en fait. C'est le fond qu'on utilise à cette émission-là quand on n'a pas de fond, c'est-à-dire pendant ta chronique. T'sais. Ah, ben voilà. Mais c'est bon. Ça, c'est un petit western. Oh, c'est le fun. C'est très, très plage. On aime ça. Donc, Véronique, chronique de Z à A, tu l'as commencé la semaine prochaine. Évidemment. La semaine passée. Et tu nous as fait la lettre Z. Il y avait Zippo, oui. Zorro, Ziploc. Zombie. Et là, j'imagine aujourd'hui, c'est Y. Et X en plus. Ah oui, parce que là, il faut accélérer un peu, hein? Si on veut ça. Ça va aller vite. Oui, mais au pire, on se rendra pas. Ben voilà. Voilà. Hein? On a toute la vie pour ça. Oh oui, toute la c'est vie. Ça. Donc, X et Y, comment on procède de notre premier mot? Oui, donc, j'avais commencé en vous parlant de yogourt. Ouh! Oh, yaourt, donc, on Français. Commence avec la bouffe, hein? Donc, yaourt, exactement. C'est tellement fraîchi, je m'excuse. Yaourt. Vraiment, mais les Français sont même, hein? C'est pas une décennie, c'est une décade. Votant, c'est une décennie, Carl. Ah! J'ai des addictions. Ouais. Yaourt, c'est aussi le personnage dans Spaceballs. Je sais pas si t'as vu. C'est une parodie de La Guerre des Étoiles. Par Mel Brooks. Mel Brooks. C'est bon, très bon. Avec l'achetuche. L'achetuche. C'est yaourt. Voilà. Je l'ai dit. Donc, pas en français. À votre avis, en quelle année, en fait, ça remonte à quand l'invention brute du yogourt? Ça doit être quand même vieux, là. Ouais. Quand même pas mal. Parce que, tu sais, il y a des vieux, yogourts là. Grecs. Grèce antique. OK, ça doit être en 500 avant Jésus-Christ. Ouais. Non, ouais. Je sais pas. Avant ça! Hein? Pour vrai? Ouais. En 1000, on va dire 1000 avant Jésus-Christ. 3000 avant Jésus-Christ. Wow. Ouais. Mais c'était des hasards, hein. En fait, c'est que le lait caillait. Puis il se rendait compte que ça goûtait étonnamment assez bon. Il goûtait à ça, tu sais. Ah, oh, ben quand même, il goûtait pareil. Ben, d'après moi, il était pauvre, là. Puis il restait juste ça à manger, là. Du lait fermenté, en fait, devrait être plus poli, là. C'est pas vraiment du lait caillé. Puis, contrairement à ce qu'on pense, je découvre tellement de choses en faisant cette chronique-là. C'est vraiment, là. Il n'y a pas juste du yogourt de vache, hein. Je sais pas si vous saviez ça. Là, j'ai déjà mangé du yogourt de chèvre. J'adore ça. Oui, yogourt de chèvre, de brebis, de jument, d'ânesse. Ah, jument? Ah, on dirait que non, jument, c'est du haut le cœur. Du lait de poitrine, genre, du lait de maman? Ouais. Je suis pas sûr. Oui, non, ça c'était de la crème glacée. Aux États-Unis, il y avait une controverse il y a quelques années. Ah, oui. Il faisait du yogourt avec du lait de maman. Ben, il y a du lait de chamelle. Chamelle. Ça ressemble un peu, hein. Bufflone et reine. Eh, ça, c'est spécial. Des reines comme le petit reine. Ouais, faire du lait de poule. Du yogourt de reine. Du lait de Noël. Ben, du lait de poule, on en reparlera quand on sera rendu dans les poules, là, mais c'est pas fait avec du lait de poule, pour vrai. Ça. Non, il y en a pas de ça. Mm-hmm. Non, puis il y a pas de yogourt à base de soya. Hein, parce qu'il y a du lait de soya, mais il y a pas de yogourt à base de soya. Ah, parce que dans le soya, il y a pas. Ce qui permet justement de nourrir les bactéries. Okay. Ah, tu peux juste faire des poudings. Ouais, c'est ça. Ben, en rajoutant de la gélatine. Ben, ils réussissent à faire quelque chose qui ressemble à du yogourt là, dans la yaourtière. Hein. Ça ne pouvait pas être une yaourtière, là, une yaourtière. mais c'est pas vraiment du yogourt. Quand même. Puis, en fait, le vrai yogourt tel que nous le connaissons a été inventé en 1912 à Paris par Danone. Ben oui, Danone. Hein, donc, Danone. Qui, aux États-Unis, s'appelle Danone, souvent. Danone. Ah, pour vrai. Sur leurs étiquettes, Danone au lieu de Danone. Ils sont vraiment lancés un peu partout. Hein? Mm-hmm. Puis, en fait, le mot Danone, c'est le fondateur de la compagnie qui appelait son fils Daniel Danone. Pas de E. Okay. Puis, ils ont ajouté le E pour faire le nom de la compagnie. Cute. Donc, c'est le petit nom de son petit garçon. En 1937, où il y a eu le premier yogourt aux fruits. Malheureusement, je ne sais pas à quel fruit. Ah. J'aurais donc aimé savoir c'était lequel. Il était pas premier. Au fond, là. Ça doit être aux fraises. Ça doit, hein? Ça, c'est classique. C'est un classique. Ou aux bananes, peut-être. Non. Ben, ça se vend beaucoup aujourd'hui. Non, fait que non. Ben, ouais. Mais bon. Au merci. Premier yogourt aux fraises, peut-être. Puis, dans les années 50, imaginez-vous donc que les yogourts étaient dans des pots en carton. Hein? Donc, ça devait être assez wash hein, quand ça devenait chaud. Mais peut-être du carton avec un petit, un petit enduit, là, comme les pains de lait, non? Non, carton. Ah oui? Ah, oui, ah, oui. Ben. Voilà. Ça a évolué depuis. Ah. Hein. Mais froid, c'est pas pire, là, mais chaud. En tout cas, pas sûr. Bref, donc, saviez-vous qu'il ne fallait pas congeler de yop? Le yogourt buvable? Là, ça se congèle pas parce que ça devient vraiment dégueulasse. Ah, je pensais que c'était explosé. Oui, non, mais ça, le yop, là, c'est qui m'avait dit? C'était peut-être toi, Stéphanie, qui m'avait dit que le yop était pas constitué pareil comme du yogourt. C'était beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de lait, beaucoup plus de liquide. Donc, c'est beaucoup plus problématique pour les estomacs de certaines personnes qui ont des problèmes d'estomac. Oh! C'est moi qui ai dit ça. Ah, mais c'était une supposition. C'est une des pires affaires pour non, moi. Mais il n'y a pas autant de cultures bactériennes. C'est pas comme. Non, c'est plus liquide. C'est moins. Et c'est très, très sucré. C'est pas moins bon yogourt. Mettons, si vous avez des problèmes de lactose, vous savez que le yop, c'est pas tellement pour vous autres. T'sais. Non, non, mais par contre, ceux qui ont des problèmes de lactose ont dit que quand c'est pas trop grave, là, ça serait bien d'en consommer de plus en plus. Ça, en ça de petit à grand pour que le choc soit moins grand, en fait. C'est pas que ça va complètement. Mais on a juste à pas en consommer. C'est mieux pour. Il me semble que si t'es pas capable de le digérer, c'est parce que ton corps, il en a pas besoin de toute façon. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement bon! Oh. Et oui. Oh, ben, vous pouvez pas congeler de yop, mais vous pouvez congeler les tubes. Ah ben oui, c'est bon, congeler les tubes congelés. Puis c'est les mini-gos. Les mini-gos. Ah oui, hein, avec les petits bâtons. Oui, carrément une cuillère dedans ou un bâton. Faire puis, des pops. Sur le site même de Yoplait, ils disent utilisez-les congelés à la place des ice packs. Ah, ben, ils vendent des mini-gos avec les bâtons. Oui, mais c'est des éditions spéciales, je pense, t'as le petit bâton dedans. Mais faites attention, ça passe dans le trou de l'évier. Bah, oh! Spécial plat à aller chercher, ça. Ouais, il reste là. Reste là. Yogi l'ours! Oh! Ouais! Donc, il a été créé par Anna Barbara, hein, que vous devez sans doute connaître. C'est deux personnes en passant. Deux c'est... personnes. Donc, William, Anna et Joseph Barbara. Barbara, en tout cas, bon, désolé si vous nous écoutez, Monsieur Barbara, pour la prononciation. D'autres tombent. C'est lui le plus connu des deux, d'ailleurs. Ils sont morts les deux, non? Je sais pas. Oui, ils sont morts les deux à quelques années d'intervalle, presque à 95 ans. Donc, ils sont morts vieux. Donc, on peut dire que le comique fait vivre longtemps. Vraiment. Hein? Quand même. Donc, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Anna et Barbara? T'as peur. C'est pas Pierre Raffin? Oui, entre autres. Les Jetsons. Les Jetsons, Tom et Jerry, Scooby-Doo. OK. C'est toutes eux autres. On leur doit beaucoup. Ouais, ouais. Pour vrai. Ben, c'est parce que dans les fans de dessins animés, t'as les fans de Hanna-Barbera, t'as les fans de Warner Brothers. Ouais. Ouais. C'est comme pour les bandes dessinées où t'as Marvel et DC Comics. Oui, je vais en parler tantôt. Il y a quand même les moitiés-moitiés. Les pierres à feu, j'aimais ça, mais Yogi l'ours puis l'autre, Scooby-Doo, là, un peu moins. Moi, c'est Rocky à belles oreilles que je comprenais pas. C'était spécial. Ouais. Mais quand même, Yogi l'ours hein, a été à l'antenne pendant 30 ans, hein, de 1958 à 1988. 30 ans. Wow. C'est très, très long. Et là, on oublie complètement les remakes des années 2000 et 90. Oui, c'est ça. Hein. Puis, ben, Yogi était amateur de quoi? De tarte? Non, attends. Hein, je m'en souviens pas. De panier à pique-nique. Oui, exactement. Ah, panier à pique-nique. Il y a des tartes dedans, des fois. Oui. Génial. Il courait après ça. Changement de sujet complet, les Yakuza. Connaissez-vous les Yakuza? Non, c'est quoi ça? C'est au Japon. Le crime organisé au Japon. Ouais. Hein? Ah, ouais. Donc, puis par extension, on dit que tous les voyous japonais sont des Yakuza. Mais on peut pas appeler tous les voyous japonais des Yakuza parce que c'est vraiment très sérieux là, comme organisation. Je veux vraiment avoir un ton neutre ici, on sait jamais. Mais ce serait la plus grande organisation du crime organisé au monde. Il y aurait 84 700 Yakuza. Puis vraiment, pas juste au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, donc il y en a aussi ailleurs. Puis eux, on dit qu'ils ont un mode de recrutement un peu romanesque. Ils vont aller chercher des fils abandonnés ou chassés par leurs parents ou vont recruter les jeunes dès la sortie du lycée. Donc, très jeunes. C'est un groupe d'hommes, c'est surtout des hommes, là, les Yakuza, bon, ceux qui agissent. Les femmes sont quand même là, mais elles agissent plus dans l'ombre. Donc, c'est elles qui vont tenir les bars, les restaurants, les salons de jeu et tout ça. Ou elles vont carrément pas être dans le milieu parce que c'est un milieu très macho. Les Yakuza pensent que les femmes se battent pas aussi bien que les hommes, évidemment, qu'elles sont incapables de garder le silence. Ça, j'ai trouvé ça assez comique. C'est un peu cliché. Ben, ouais, c'est assez spécial. Basé dans la réalité. Ils ont pas vu Kill Bill, eux autres. Non, hein. Ils ont une voix chevaleresque aussi, donc tu n'offenseras pas les bons citoyens, tu ne prendras pas la femme du voisin, tu ne voleras pas l'organisation, tu devras obéissance aux supérieurs, évidemment. Puis, ils ne doivent pas tuer de membres externes aux Yakuza, mais cette loi-là, supposément qu'elle est très peu respectée. Ouais. ils ont des tatouages souvent pour se reconnaître la gang. Point de vue comique, parce que les Yakuza, oui, c'est une gang de criminels. Par contre, ils sont pas cachés. Ils ont vraiment pignon sur rue. Là, souvent, ils vont avoir un édifice avec leur bannière. Très visible, contrairement à la mafia sicilienne ou aux triades, là, où eux, c'est vraiment plus caché. Puis, ils vont même avoir un code vestimentaire. La plupart vont avoir des verres fumés noirs avec des costumes de couleurs vives pour que les citoyens puissent les reconnaître. Puis ils vont même avoir une démarche très ample et arrogante pour être reconnue par les citoyens. Donc, c'était un peu comique. C'est sûrement pas très comique. Mais vous avez peut-être vu le film Kung Fu Hostel? Non. Non. Hein, un film de Kung Fu? Ben non, Mathieu, il n'y a eu aucun film. Non, hein, c'est pas ce qu'il y a dessus. Mais il y a des Yakuza dans ce film-là qui font des danses. C'est complètement ridicule. Là. Donc, voilà. Yakuza. Yakuza. Mode un peu plus joyeux. Youp! Ah! Youp! Youp! Comme dans Youpelay! Youp! Ah! Comme dans Youpi! Ben, c'est une expression qui marque la joie. Hein? Donc, youp, youp. Comme si vous disiez, par exemple, JP, je te vois très bien dire Youp la boum! Youp la boum! Oui. Youp la boum! Mais la nouvelle chaîne télé, Youpa, est-ce que ça vient de là? Je pourrais pas te répondre, malheureusement. Peut-être, Youpa. Hein? Youpa! Youp la boum! Ou de Youpi! Ça ou pas! Ça vient de là ou pas! Mais, donc ça marque la joie. Vous pouvez, plutôt que de Youpi, on essaie de tout réduire. Oui, c'est ça. T'enlèves des lettres, c'est parfait. De toute façon, je dis pas vraiment ça dans ma vie de tous les jours, youpi. Non, youpi. Ça, c'est pas naturel. Non, toi, tu dis yeah! Yeah! Youpi! Puis avant d'aller en musique, justement, ben, je vais vous parler de YouTube. Oh, ben oui. Grec, YouTube. Donc, ça a été créé quand, ça, YouTube? 2005. Wow. Oui, très, très proche. Par trois anciens employés de PayPal. Mm-hmm. Hein? Ah. Donc, c'est Chad Hurley. Lui, c'est l'expert en interface utilisateur. Steven Chen, un entrepreneur taïwanais. Donc, lui, c'était plus pour l'argent. Et Jawed, avec un W. OK. Hey, c'est pas Karim, le... Le problème, là, tantôt... Qui n'est pas capable de prononcer les A. C'est ça, pas capable de prononcer les A. Jawed. Jawed. C'est Jawed Karim. Donc, puis lui, en plus, c'est le tout premier qui a mis une vidéo sur YouTube, oui. En fait, qui s'est filmé pendant qu'il est allé visiter le zoo. Un zoo, hein? Il parlait d'un animal, un éléphant, une tortue, quelque chose comme ça? Je pourrais pas te dire, mais bon, c'est sa visite au zoo de San Diego. Donc, c'est lui qui a mis la toute première vidéo. Je sais pas, il y a combien de vues? Ah, beaucoup. Il doit en avoir pas mal. On pourrait sûrement trouver ça... Facilement, on va te le trouver. Ben oui, trouve ça. Puis ça a été acheté par Google en 2006, hein, donc c'est maintenant Google qui possède YouTube. Elle l'a vendu, elle l'a acheté en fait pour 1,5 milliard de dollars en actions là, de Google. Yes. Hein. C'est pas si pire. Voulez-vous la réponse? Oui. 11 154 719. Ah, c'est correct. Gangnam Style, le plus que ça, je sais. Oui, oui. La vidéo s'appelle Me at the Zoo, envoyée le 23 avril 2005. Voilà. Ah, ben voilà. Hey. C'est bon, super. Quel est le plus grand compétiteur de YouTube? Vimeo? Non. Dailymotion? Oui, voilà. Oh, Dailymotion, c'est ça. Puis en 2006, YouTube a été sacré par le magazine Time, personnalité de l'année. Oui, ben c'était la célèbre couverture où il avait mis un papier d'aluminium sur un écran d'ordinateur et tu te voyais toi-même. Donc la personnalité de l'année, c'était toi. C'était toi via YouTube. Pour ah, c'est pas voilà. C'est ça. Mais c'est qu'était. Mm-hmm. C'est pas pire. Par contre, YouTube, ça a eu beaucoup de vues, hein? Mais c'est loin d'être aussi lucratif qu'on le croit. En tout cas, je ne sais pas si c'est rétabli, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, YouTube, à la base, vivait sur les publicités, oui. Hein, ce que les publicités leur amenaient. Donc, ça leur permettait de gagner 20 millions de dollars par mois. Par contre, le coût de fonctionnement de YouTube qui a été évalué par des analystes serait de 30 millions de dollars par mois. Ouais, non, c'est fou. Les chiffres sont sortis récemment, je ne me rappelle évidemment pas par cœur, mais il y a vraiment l'équivalent de je ne sais pas combien de centaines de millions d'heures par jour d'envoyer sur YouTube. Ça n'a aucun sens. Les serveurs de ça, c'est gigantesque. C'est ça. Donc, il serait déficitaire de environ 500 millions de dollars. Donc, c'est ce qu'on leur reproche. Là. En fait, il y a souvent des gens qui vont lancer des choses comme ça sur Internet, puis c'est pas viable économiquement. Ben, tu vois, présentement, ils essaient de. Là, ils sont en pleine Comedy Week sur YouTube. Ah. Si tu vas sur YouTube.com, c'est écrit Comedy Week à côté, où ils essaient de. Il y a des publicités à la télé qui jouent pour qu'on aille écouter leur Comedy Week en ce moment. Ils essaient de faire que les gens qui regardent la télé regardent YouTube à la place. En ayant des chaînes payantes. En ce moment, il y a des chaînes payantes que tu peux t'abonner pour avoir des émissions pour enfants, par exemple. Donc, il y a des solutions comme ça pour essayer de avoir plus d'argent. Ouais. Au niveau des artistes sur YouTube, ben Lady Gaga, c'est la femme qui a le plus de vidéos sur YouTube. Attachée, on va l'entendre, Non, pas tout à fait. Elle a 11 900 000 vidéos sur elle. Ben voyons donc sur YouTube. Des covers, des gens qui prennent des vidéos pendant le show qui posent ça. Fait qu'elle, elle a le même nombre de vidéos que le dos de tantôt a le nombre de vues. Ouais, vraiment. C'est un peu disproportionné, là. C'est quelque chose. Puis Rihanna, c'est la première femme qui a dépassé les 3 milliards de vues sur YouTube. OK. Puis, petit fait comique. Mets ça sur mute, c'est parfait. Ah, vas-y. Moi, Rihanna, je vais sur YouTube, je mets ça sur mute, puis go, là. Juste regarder. C'est ça. OK. Ouais, mais ils disent de vue, là, pas d'entendu. C'est ça, exactement. C'est moi, je pensais au mot le mot, là. Au mot pour mot. Au mot le mot. Au mot le mot. Et non, au jour entendu. Le jour. YouTube poop. Oui, oui. Parlement, mais c'est, ça, c'est un petit peu ridicule, par contre. Les YouTube boobs, donc j'en parlerai pas trop en détail, mais c'est juste, en fait, des montages vidéo aléatoires qui parodient d'autres vidéos, mais ça s'appelle des YouTube. Sauf que tu le fais vraiment comme ça le dit, de marde un peu. C'est comme, tu vas, mettons, prendre une infopublicité et puis tu vas redoubler le dialogue dessus en étant vraiment très, très mauvais. Ça peut être un YouTube. Wow. C'est nul, mais c'est comme ça. Ouais. C'est très à la main. Donc, sur ces belles paroles, justement, allons en chanson avec une petite reprise de Beatles. Mon Dieu, j'ai de la misère. You've got to hide your love away de Eddie Vedder. Suite et après ça, la suite. Oui. Day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. une petite chanson des Beatles. Ben, sympathique. Donc, sur la trame sonore. Ben, comme toujours, hein, avec toi. Oui, j'aime bien ça. De I Am Sam. Donc, ceux qui sont fans des Beatles, hein, c'est vraiment une trame sonore qui reprend toutes les meilleures, à mon avis, chansons des Beatles, okay. À part Yellow Submarine qui n'est pas dessus. Puis, vous avez, bon, là, c'est le chanteur de Pearl Jam. Vous avez Sarah McLachlan là-dessus. Vous avez aussi Sheryl Crow. Et aussi des bonnes choses. C'est une blague, je blague. C'est une blague. Voyons. Ça y est, mon égo est démoli. Donc, c'est très bon. On va finir avec les Grecs. Il m'en restait trois. On rappelle que c'est la chronique de ZDA, oui, de Véronique Mire, oui, qui allez. Inclut un V et un Y. On sait dans son nom. Oui. C'est, elle aime les lettres peu utilisées. Ben, j'ai des E aussi. Hein. Ça, c'est plus facile. Mettons, à la roue de fortune, c'est pas mal la première que tu choisis. Ouais. A, E. Je vais prendre une voyelle. Genre. Donc, yo, l'eau. Mais pourquoi on fait pas ça au Québec à la roue de fortune? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah, excuse-moi, j'ai ouvert tout le monde sauf toi, je m'excuse. Ben oui, j'étais comme, je devais faire console. Ah, bon, merci. Mais tu peux me refermer. Mais oui, notre roue de fortune est plate à mort au Québec. C'est juste tourner une roue, comment? Même pas de puzzle, rien. Ouais, mais tu gagnes l'argent pareil. Mais, vu de même. Ouais. Hein? Parce que faut pas que tu le regardes, faut que tu joues. Mm. Si tu le regardes, c'est plate. T'as pas la fille. On disait donc. C'est ça, donc, YOLO! YOLO! Ah! YOLO! Donc, pour ceux qui sauraient pas c'est quoi, hein, parce que, bon, maintenant, c'est viral, hein, comme tu expression. Tu vis où, là, si tu connais pas ça? Comment c'est ça? C'est ça. Mais pour trouver des trucs un peu plus comiques sur YOLO, je suis allée sur le Urban Dictionary. Ah. Donc, c'est un site vraiment où il y a des mots qui sont inventés, puis tout ça, pour voir un peu qu'est-ce qui est plus cosmopolite là, comme nouveau vocabulaire. Définition, ouais, ouais. Donc, vous avez Schlobster, hein, c'est des internautes, là, qui dit que c'est l'abréviation, évidemment, pour « You only live once hein, », donc « On ne vit qu'une fois ». Lui, il dit, bon, en anglais, je vais vous traduire ensuite, là, « The dumbasses excuse for something stupid that they did ». Donc, l'excuse vraiment niaiseuse pour quelque chose de stupide qu'ils ont fait. Aussi, « Also one of the most annoying abbreviations ever ». Vraiment. Donc, oui. Donc, une des voyons. Des expressions les plus ennuyeuses, oui. Douchebag, YOLO, ces affaires-là, oui, tellement surutilisées. Hein. Vous avez aussi Osball 21, hein, ils ont tous des beaux noms, qui dit que c'est le carpe diem des personnes stupides. Oui, ben c'est vrai, carpe diem, ben ouais, c'est ça que ça veut dire aussi, saisir ouais. La journée. Oui. Vivre au jour, voilà. Au jour le jour. Oui. Puis Dead the barbecue. Yes. Il dit, lui, que c'est le douchebag mating call. Ah, ben oui, hein, c'est le cri de... Ouais. Quand Douchebag a dit YOLO, ben là, il y aurait supposément les filles qui viendraient humper sa jambe. Oh, shit. Il faut qu'ils portent du axe et qu'ils disent YOLO. Ouais, là, c'est ça. Combo gagnant. Voilà. Combo okay. comme du poulet. Ben oui. On n'en parlera pas trop longtemps, c'est pas super. Hein? YOLO! Donc, Yin Yang. Changement complet de sujet. Yin Yang, juste pour votre culture, en fait, ben c'est ça le but. Hein? C'est dans la pensée taoïste chinoise. Donc, des forces cosmologiques indissociables. Mmh. Puis, en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir c'est quoi yin puis c'est quoi yang. Hein? Ouais. Donc, yin, c'est la passivité, puis le yang, ben c'est le mouvement. Donc, okay. Un jour où tu es bien là, en forme, tu dis « Moi, je suis pas mal yang aujourd'hui. » Le yin, c'est-tu le blanc ou le noir? Ben, c'est le blanc. C'est la passivité. Ouais. OK, le yin, c'est le blanc. OK, mais si, mettons, l'équipe d'assemblage requis, moi, la passivité, c'est clairement moi. Oh passif, boy. C'est quoi l'autre, donc, le ouais. yang? Le yang, c'est l'action. L'action, le mouvement. Le mouvement. Okay. Donc, c'est qui le mouvement entre deux? Roche, papier, ciseaux. Okay. Non, Steph est plus sportive, je pense. Ah oui, ça okay. se peut. Non, donc, non, pas sportive. J'ai de la volonté ben, pour ça. Me lever le matin. Donc, il va falloir un yang, yin, yang, yang. Je pourrais être le mélange des deux. Ouais. C'est comme le tout qui lie la sauce. C'est comme la petite sauce mayonnaise et ketchup. Ouais. C'est avec les crudités. Ouais. Mais il faut fouetter ça. Good. Oh, fier de vous, je suis. Yoda. Quel lien incroyable. Que c'est bon. Donc, vous avez le yo-yo. Ah, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Yo-yo, c'est, après la toupie, le jouet le plus ancien du monde. Wow! Mmh. Donc, on ne sait pas de où ça vient, hein, le yo-yo, mais le nom yo-yo vient du Tagalog. Tagalog, une langue des Philippines. Ils ont trouvé ça dans un catalogue, on a compris. Moi, j'aurais pensé à venir de Yougoslavie. Peut-être. Oh. Yougos, man. You got it. Non, mais ils vont ramener les yo-yo, je suis sûr. Ça va revenir à la mode, comme les petits bracelets Snap, là, puis ils vont appeler ça le yo-yo-lo. Les bracelets Snap. Des yo-yo-lo. Moi, je suis comme un devin. Avec les pugs. Ouais. Mais c'est ça, mais la ficelle ne sera pas attachée. Fait que là, tu vas le pitcher. Ça va genre voler sur quelqu'un, puis tu vas faire ah, yo-yo-lo. Yo-lo, man. Yo-lo. Yo, tu me gosses, you gosses, la vie. You gosses, la vie. You gosses, la vie. Ouais. OK. Mais tu as fait deux fois ta file. Juste c'est. Ouais, mais il veut qu'on la rie. Ouais. Puis à l'époque, c'est pas démodé. Bon, je suis encore chez nous. Oh, moi aussi. Puis en fait, ben, on aurait vu un yo-yo en Grèce il y a 2000 ans. Ah! Non, mais son origine est quand même inconnue. Mais si vous voulez un peu faire péter de brou un jour puis pas dire « je joue au yo-yo », ben, vous pouvez dire ben, « moi, je joue à l'émigrette ». À l'émigrette. L'émigrette. Ou encore le jeu de Coblance. Oh, c'est cute, c'est classe. Coblance. Ah, oh, j'aime ça. Coblance. Ça sonne bien. Le jeu de Coblance. Le jeu de Coblance. Je participe à une compétition. Ou bien un petit peu plus enfantin, le joujou de Normandie. Bah! Pourquoi pas? Ça, ça fait quasiment prédateur. Oui, ouais. Pour les gosses qui veulent jouer avec les gosses qui viennent de Yougoslavie. Voilà, donc c'est la fin des Y. Il y en avait pas mal plus sur les Y que ouais. Sur les X. T'en as combien de X? J'imagine pas grand-chose. J'en ai 5. OK, allons-y. Donc, les 4 premiers sont brefs. Le dernier est un petit peu plus long, mais pas plus qu'il faut. Xanthoderme. Je connais non. Quelqu'un Xanto-Or, mais pas Xantoderme. Ça, c'est son nom de famille. Ouais. Derme. Peau. Peau. Xanto-Jaune. Peau jaune, la jaunisse. Donc, quelqu'un qui a la peau jaune. C'est une maladie. Ah. Hein, OK, pas une Asiatique, là, ce serait raciste. Non, ben, en fait, c'est même pas une maladie. C'est vraiment la peau qui est jaune. Okay. Comme la banane. Comme pareil. La banane. Pareil. Oui, oui, oui. Quand est-ce que tu peux l'éplucher quand... Okay. Non. Ça pèle au soleil. Et vous allez avoir aussi xénophile, xénophobe, donc ouais. Ceux qui aiment les étrangers, ceux qui les sont hostiles envers eux. Vous avez Xena. Xena la guerrière. Oui, Xena la guerrière, là, celle-là qui criait tout le long de l'émission. Est-ce qu'on a un extrait? Ah! Vous avez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, ça a été à l'antenne pendant 6 saisons, puis on en rit bien, là, mais ça a été une des premières séries télé syndiquées. Puis, c'est devenu un phénomène social. Vous allez voir tantôt, c'est assez étonnant le pourquoi que c'est devenu un phénomène social. Le TV Guide hein, l'a aussi dit que c'est la meilleure série télé de l'histoire des séries télé. OK. Ben, en tout cas, permets-moi d'en douter, mais... Ben, moi aussi, mais ouais. Bon... Ben, à voilà. Ce moment-là, il n'y avait pas aussi le choix qu'il y avait en ce moment. C'est exact. Ouais. Ben, c'est aussi que ça a eu, et ça a encore une énorme vie sur Internet, cette série télé-là. Moi, je le savais pas du tout, là. Vraiment, je suis étonnée de savoir ça. C'est vraiment un fandom, hein. Quand on dit un fandom, là, c'est vraiment des fans... Ils se déguisent se en ça. Ouais. Ça, c'est plus des... Des conventions, mettons. Conventions, okay. Voilà, c'est ça. Un fandom, c'est plus, admettons, on est tous fans de, je sais pas moi, Dr. House. Oui. Puis on fait des réunions, on en parle ensemble. Une fois par année, on se déguise en Dr. House et compagnie, puis etc. Ils vont écrire des fanzines et tout, là. Donc, c'est vraiment assez massif sur Internet. Dans 86 pays, dans le monde au complet, où ça a été diffusé. Puis pourquoi c'est si populaire? En fait, c'est à cause de l'histoire ambiguë entre Xena et Gabriel. C'est lesbo. Voilà, mal, voilà. Donc, la communauté gay a été très fière de cette série de télé-là et surtout de toutes les... C'est à l'avant-garde. Les ambiguïtés entre télé. Les lignes. Là. Oui, voilà. Ça, donc, quand même, on ne doutait pas de ça non. Quand on regardait ça. Hein? Okay. Voilà. Puis, je termine avec X-Men. Yay! Les X-Men, ne peuvent pas m'en empêcher. Yup! Hein? Youp! Youp! J'ai mélangé avec ce yup à boire. Pas faire congeler. Décevant, JP. Oui, yup. Là, JP va arriver chez eux en soir, fait comme voyons, je peux-tu ou je peux pas y congeler? Je m'en souviens pas. Là, je vais regarder le chat, là, puis là, je vais être mêlé dans tout plein d'affaires. Je suis intolérant au lactose, est-ce que je peux en boire ou pas? Oui, c'est l'un c'est oui, l'autre c'est non. Aïe, aïe, aïe. Donc, X-Men, youp. Youp. Voilà. Donc, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Hein. Donc, Jack Kirby, c'est le dessinateur du côté de Marvel. Donc, vous savez, Stan Lee qui apparaît dans tous les films. Hein, oui. Il joue un rôle de très, très arrière-plan. Ouais, mais ouais, ouais. Vraiment. Donc, même dans le dernier Iron Man, on le voit très, très rapidement. Pas un excellent acteur, le gars. Pour vrai, non? Non, ben, il fait vraiment pas grand-chose. Non, c'est il va se le permettre. Affaire, oui, oui, oui. Faut pas qu'il y ait deux répliques à dire. C'est pour le fun. Puis les X-Men, ça a été créé en 1963. Donc, ça date quand même. Au départ, ben, les super-héros qui étaient dans la gang des X-Men, c'était le professeur X, évidemment. Donc, le professeur Charles Xavier. Vous aviez aussi Angel, de son vrai nom Warren Worthington. Trois? Ouh, hein? C'était beau, ça! Lui, il possède des ailes, puis un sang guérisseur, un peu plus tard. Vous avez aussi le fauve, Hank McCoy, ça doit vous dire quelque chose, ça? Ben, ça me dit quelque chose, c'est lui, qui est très lui, fort, c'est là, qui devient le président là, dans les derniers X-Men. Non. Non. Oui! Non. Oui! Oui! Oui. Oui. Vous avez Cyclope, hein, le Cyclope? Le. Oui. Vous avez aussi le Phoenix Jane Grey. Hein? Oui. Donc, celle-là qui fait vraiment une grosse crise. De panique. Crise d'oiseau. Et Iceberg. Donc, il y avait seulement 6 X-Men à la base. Puis, il y avait des costumes noirs et jaunes avec la ceinture avec le X. Puis, Stan Lee avoue qu'il a choisi que ce soit des mutants pour éviter d'expliquer pourquoi ils ont des super pouvoirs. Comme par exemple Spider-Man, où il a fallu trouver pourquoi l'araignée, la piqûre et tout. Donc, en disant que c'est des mutants, bon, ben, c'est des mutants, donc pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est comme les Teenage Mutant Ninja Turtles. Yes, des adolescents sont mutants, puis des tortues. Fait que, gars. Ouais. C'est ça que ça. Fait donc, qu'on fait un choix, ça. C'est sorti en 1963, puis étonnamment, ça a foiré. Ça n'a pas fonctionné. Dans les années 70, ils ont arrêté d'en faire, ça fonctionnait plus. Puis en 75, ils ont recommencé, sont revenus à l'attaque. Puis là, ben l'équipe a grossi. Là. Bon, il y a eu l'ajout de Storm, Tornade. Vous avez Wolverine, un des plus connus, qui s'est aussi ajouté, et d'autres. Là. Bon, je ne vous ferai pas toute la liste. Puis là, ben vraiment, le X-Men a été lancé. Ça a fonctionné très bien. C'est seulement en 1980 où on a voulu faire le premier film. C'est James Cameron qui voulait le faire. Mais le projet n'a pas abouti. En 1996, ils ont fait une série télé sur les X-Men, Génération X. C'est juste en 2000 qu'on a vu le premier X-Men. Donc, le vrai premier X-Men, hein, y en a qui pensent qu'il y a des reprises puis des reprises qui se font à travers les ans, là, mais finalement, les X-Men, ça ne date que de 2000. Puis pour votre information, hein, ben il y a Wolverine là, qui sort en juillet 2013. Oh! Le seul mutant, pas mutant, finalement. C'est comme pas vraiment mutant. Oui, lui, il a... Non, c'est ça. Hmm? C'est le gars d'apport. Le gars d'apport. Le Canadien. Ouais. Ah, en plus, c'est écrit, joué par un Australien. Mais comment ça, pas mutant, pas mutant? Il est pas mutant, il se fait faire ça. Oui, mais il y a quelque chose à la base qui fait qu'il peut se le faire faire, là. Ouais, mais, pas mal. Ouais, mais ça dépend. Il faut définir c'est quoi sa mutation. Ils vont le dire dans le film, je suis sûr. Ouais, ça va être là qu'on va savoir. Peut-être, peut-être. On spoil. Ça se passe au Japon, en plus. Peut-être qu'il va y avoir des Yakuza. Ah, peut-être. Je sais pas. Puis, ben, vous avez en juillet 2014 un autre X-Men qui va sortir. Ouais! En juillet 2014. C'est loin, loin, loin. Puis, le réalisateur de celui-là, il a fait appel à James Cameron, qui serait un des spécialistes des voyages dans le temps, là, dans les films, parce qu'il va avoir un peu des voyages dans le temps. Donc, c'est pas trop un gros spoiler, là, mais dans le prochain X-Men. Puis, Magneto, lui, c'est... Magneto, ben, il est apparu aussi dans les premiers. Je l'ai complètement sauté. C'est quoi, son pouvoir, il enregistre des conversations, genre, c'est quoi? Pas magnétophone. Mais non. Il est full fort. Okay. Il contrôle tout ce qui est métal. Tout ce qui est SSA, c'est ça. C'est quand même cool. Il peut faire ce qu'il veut avec. Eh bien, je connais rien. À la psyché très ambiguë. Je pensais que tu niaisais. Non, je connais absolument rien des X-Men. C'est vrai? Rien du tout. Rien du tout. C'est tout. Ben voilà. Mais oui. Fait que finalement, le regard perdu que t'avais, c'était vraiment parce que t'étais perdu. C'est un vrai regard perdu. Oui. Je suis pas juste un excellent acteur. Je sais pas plus que ça. Il peut pas acter le nez tant que ça. Ça. Pas tant de talent que ça. Donc, Véronique Mire, on adore ta chronique. On est en amour. Est-ce qu'on peut te marier? Ah, ben, c'est pas. À suivre. Peut-être à la lettre M. Maillage. Maillage. Donc, à la semaine prochaine, à la lettre le V. Oui. Oh, et peut-être V aussi. Ouais, d'après moi, on va faire les deux. Sûrement les deux. Ça va faire triple V. Triple V. Triple V. Yeah. Ouais. À la semaine prochaine, Véronique Mire, merci beaucoup. Ben, merci à vous, hein. Amusez-vous bien. Ah, certain. Bonne journée, bonne semaine. Ouais. Hey, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, avant de passer à ce que je voulais faire après, je vais le faire juste après ça, après la chanson, parce que moi, le Y, ça me rappelle ce bon vieux classique des Girola. Voici Yakari Sax. Jette les papiers par les poussoirs. Où tu sortiras pas à soir. Respect pas. Faut que tu finisses ton repassage. Vite serrez-le dans le passage. Mets les poubelles dans la ruelle. Après ce temps, tu fais trop belle. Yagri, yagri. Respect pas. Yagri yak,

Vas-y. Vas-y, apprends. Ah ben là, je ne sais plus ce que je voulais N'est-ce dire. N'est-ce pas? J'allais dire, depuis que j'ai fait remarquer à Stéphanie qu'elle disait « yé » et non pas « youp » tantôt, depuis ce temps-là, elle a dit « yé » comme 12 fois. Oui, c'est vrai, hein? Je l'ai vraiment remarqué. Vraiment. Oui. Yé! Yé! Quatrième heure dans quelques minutes, là. YOLO! Ah! Dépasse pas les bouées, Mathieu, là. Dépasse pas les bouées. Ah, oh, il est mort. Ah, ben pourquoi il anime de bord? Colin, c'est la quatrième et dernière heure d'Assemblage Wiki à la plage pour la semaine du 20 mai 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Yeah. Trouvez-vous que les vagues ont l'air de venir très, très proches de nous autres une fois de temps en temps? Flou! Ouais. Moi qui voulais pas me mouiller l'entrejambe, je me suis fait avoir. Ça pourrait être dangereux. Oui, ça pourrait être dangereux pour ton entrejambe. Oui, ça pourrait devenir un radis. Oui. Ça pourrait être dangereux pour tout ce qui est en forme phallique aussi, comme nos microphones. Et arrête avec des jokes de radis. Hey, là, j'ai repris les mots d'un animateur ici assez fou. À succès, un animateur à succès, qu'on appelle Mathieu Plante. Voilà. Tout cela pour dire là, que Charles-Antoine Rioux a honte d'être avec nous, mais il est avec nous en ce moment. Bonjour. Honte, je dirais pas. J'ai peut-être rougi un peu durant vos calembours, mais je vous avoir de ça. Mais pouvez-vous comme pas m'appeler de mon prénom? C'est pas trop grave, les gens me voient pas. C'est ben, que ça va bien. Genre, ouais, ah, mais si seulement ils te voyaient, ils sauraient que tu es bel et bien présent pour une chronique spéciale de passage. Effectivement, une chronique pour le club de plein air UQTR, dont Mathieu porte fièrement le chandail en ce moment. C'est comme si elle avait fait exprès. Hein? Parce qu'il s'est fait donner très généreusement un chandail et s'est dit quel moment parfait pour le porter parce que Colin, c'est la seule fois qu'il va venir nous voir cet été. Ah, Mathieu, il m'a pas conté ça tantôt. Il m'a dit ouais, c'est parce que c'est ma journée de lavage. Non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Vraiment pas. Moi, j'allais dire le contraire. J'allais dire, dans le fond, il porte à tous les jours. Là. Ça, oui. Ben, justement, cela étant dit, j'abuse, mais Jean-Philippe porte son chandail de rouge pompier pas mal à chaque jeudi jusqu'à maintenant cet été. J'osais pas en parler. C'est moi qui l'ai fait remarquer tantôt. C'est vrai. Je ça, à chaque jeudi, je porte la même affaire. Ouais. Donc, Charles-Antoine, la raison que tu es là, c'est pour une chronique du club plein air UQTA, comme tu l'as dit? Effectivement. C'est ailleurs. Ailleurs. Est-ce que tu veux qu'on joue ton intro? Oui, allez-y. Ah oui, on va monter la montagne. Ça va être une vague cette fois-ci, je pense. C'est une vague, oui, je pense que je descends une petite rivière à ce moment-là. Vu qu'il n'y a plus de neige, on reste dans le même élément, mais dans une forme différente. Attention, on va se barre. Dans une barrique. C'est du ski nautique. Ah! Donc, Club plein air UQTAIR. UQTAIR. Hein? Il faut le préciser comme ça. Il faut préciser, parce qu'il n'y a pas juste un R, il y a deux lettres avant. Il y a deux lettres avant. Pas la différence. En effet. Donc, de quoi on parle dans cette chronique spéciale? Alors, chronique spéciale UQTAIR estivale, donc pour l'été. Aujourd'hui, on va apprendre comment marcher dans un sentier. Oh. Parce que il y a beaucoup de, en fait, pas mal tout le monde sait marcher, je crois. Presque. On peut faire de discrimination, mais bon. Disons que la plupart des gens savent marcher. Et beaucoup de gens ont déjà marché dans un sentier, mais il y a des choses à savoir quand on marche dans un sentier. Donc, si le sentier est aménagé à cet endroit-là, c'est pas pour rien. OK. Première étape, c'est toujours rester dans le sentier. Souvent, les gens qui se promènent en forêt, dans les parcs nationaux ou autres, vont dire « Ah, ça a l'air beau là-bas, je vais sortir. » Eh bien, c'est pas toujours une bonne idée. Quand on planifie, puis là, ma chronique est un peu inspirée de... Moi, je reviens d'une semaine de travail pour une petite base de plein air où j'ai passé la semaine à aménager un petit sentier, justement. Et c'est toujours frustrant de voir les gens qui ne respectent pas... Si le sentier passe là, c'est qu'il y a une raison. Les gens ne respectent pas ça, ça va vraiment endommager la nature qui est autour. Ça fait que c'est moins beau pour les autres qui vont passer par après. Ouais. Donc, toujours passer dans le sentier. S'il est passé à cet endroit-là, c'est qu'on a calculé la pente, on a calculé le substrat, donc le sol qu'il y a en dessous pour être sûr qu'il y a le moins d'impact possible. Et... S'il passe à côté d'une table de fougère, ben c'est important de passer à côté de la table de fougère. C'est parce ça. Que si vous passez dedans, ça va paraître parce que ça ne régénérera pas. Exactement. Donc voilà une des bonnes raisons pour toujours rester dans le sentier. Et même si le sentier fait juste la moitié de la place, et là, tout ce qu'on fait, c'est appeler ça un smoitié à la place de sentier, parce qu'entier, La moitié. Ce calembour était recherché. Merci, merci. Ça, il essayait de le placer comme faux. Recherché, mais pas plus pertinent. Mais bon, je le dis comme elles me viennent ou comme je les senti, en tout cas. Pas pour changer de sujet, mais la deuxième chose à faire ou à ne pas faire lorsqu'on marche dans un sentier, c'est de ramasser les belles choses qu'on voit. Si vous voyez une roche qui est belle, une jolie fleur qui à ce moment-là est présente. Une fille. Tu traînes des fougères. Parce qu'elle est sortie du sentier en talons hauts et elle reste épris. Hein? Oui. Voilà. Elle t'a bien équipée, tu sais. Donc, si souvent, lorsqu'on va planifier où un sentier va passer, on va faire ce qu'on appelle un inventaire sensoriel. Et ça, c'est vraiment agréable à faire. En gros, on est payé à marcher dans le bois. Sniffer. Et sniffer, regarder compter et les ressentir. Compter les ça, c'est pour une fabrique. C'est un peu différent. Mais ça arrive des fois aussi. Bref, pour le sentier, on marche et tous les points de vue, tous les endroits qu'on trouve qui sont agréables pour les sens, donc un beau point de vue, une belle odeur de sapin, des mousses qui sont agréables à toucher ou de l'écorce qui a une texture spéciale, on le marque avec un point GPS. Et le sentier passe à cet endroit-là. Ah, okay. Donc, c'est pour vraiment que les gens qui puissent apprécier la nature voient les plus beaux éléments du territoire qu'on visite. C'est comme les miettes de pain en 2013. Ouais, un petit peu si on veut. Version 2013. Et puis, si à chaque fois que vous voyez quelque chose de beau, vous l'enlevez, vous en ramenez un morceau avec vous, la personne qui passe derrière vous n'aura pas la chance de le voir. Ouais. Et au fur et à mesure, ce ne sera plus un sentier qui va montrer les plus beaux éléments du territoire, mais ils vont montrer les éléments les plus abîmés du territoire, si on veut. Donc, c'est vraiment important. Surtout pour des choses comme les roches qui ne vont pas pousser naturellement. C'est ça, c'est comme une ressource renouvelable. Exactement. Et même les fleurs. En ce moment, on est au mois de mai, il y a les trilles qu'on appelle les fleurs de mai, qui sont les premières à sortir. C'est des très, très, très, très jolies fleurs. Et ça, c'est ça que ça repousse. Mais ça prend 15 ans avant que la plante fasse sa première fleur. Donc, si vous en arrachez une, elle a au moins 15 ans, si c'est pas plus. Wow. Donc, il faut toujours réfléchir justement à... Oui, c'est beau. Au pire, à ça, tout le monde est derrière. Prenez la photo, là, s'il vous plaît. Mais arrachez-la pas. Mais parlant de choses qui... là, je te prends complètement au dépourvu. Là. Mais parlant d'affaires qui sortent aux 15 ans, il n'y a pas un insecte, le genre cicada, là, qui sort genre au 6, 16? Tu sais, il y a comme... non, je te perds. Il y a un insecte qui vient à chaque période de temps. En fait, il y a beaucoup d'insectes qui sont cycliques comme ça. On pense à la tordeuse du bourgeon d'épinette, qui est une insecte vraiment. C'est drôle parce qu'elle s'attaque au sapin, pas à l'épinette, mais bon, tordeuse du bourgeon d'épinette. Le gars s'est trompé. qui est toujours présente, mais à tout. Je pense. Là, je mettrai pas ma main au feu, mais c'est à tous les 4 ans. Bref, il y a un cycle où est-ce que ça revient, puis c'est de plus en plus en puissance, puis là, qu'elle va abîmer plus le bois. OK. Il y a beaucoup d'insectes qui sont comme ça. Toi, si tu parles d'un insecte qui vient vraiment visible, qu'on voit juste à tous les 7 ans, je pense que c'est la cigale, parce que je ne m'avancerai pas trop, mais oui, effectivement. Donc, puis même si on voit juste la mue de l'insecte, la mue, c'est un peu la peau qu'elle laisse derrière une fois qu'elle sort. C'est une chose qu'on veut, encore une fois, laisser sur place, parce que justement, ça peut être juste la fois en 7 ans ou à 4 ans qu'on va voir. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. L'autre règlement quand on marche dans un sentier, si vous voyez un trou d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On saute dedans. Bonne réponse. J'adore faire ça. Surtout quand les gens passent à côté de toi. T'attends qu'ils soient assez proches. Oh. Les arroses, c'est génial. La fille en robe puis en talons hauts. C'est ça. C'est à côté. Le problème avec l'eau, dans le fond, c'est avec les pieds mouillés, c'est pas qu'ils soient mouillés, c'est le fait que ça te dérange. Ça te dérange pas, il y a aucun problème à ce que tu sois mouillé. Donc, saute dedans, pas amuse-toi. Hein. Mais en fait, la règle, c'est que souvent les gens vont contourner un trou d'eau quand ils en voient. Ah, ça comme défait le sentier. Exactement. Ça va l'élargir. On va pas marcher dedans, fait je piscine avec la végétation qui est autour à chaque côté. Et là, ça grossit. Plus ça grossit, plus le trou d'eau va grossir aussi. C'est une espèce de cercle vicieux. Donc, on dit d'enjamber. On l'enjambe si c'est possible. S'il est très gros, ben mettez au moins un pied dedans. Puis, le passe-temps, si vous marchez en sentier, vous êtes une bonne paire de souliers ou de bottes qui sont soit semi-imperméables, soit imperméables. Ça ne devrait pas vous déranger. Au contraire, ça devrait vous faire plaisir de tester la qualité de vos chaussures et piler en plein dedans. Ou on peut se traîner une serviette, juste enlever nos souliers, patauger dedans. Soyez galant, enlevez votre veston, puis allez-y. Ou jetez-vous dedans quand vous marchez dessus. Allez-y. Je veux dire, mouillez-vous, c'est le temps d'avoir du plaisir. Mais faut pas couper un arbre pour faire un pont. Là. Ça, c'est pas recommandé. La plupart du temps, c'est que, en fait, nous, on va le faire à votre place. Quand on aménage un sentier, si on voit un milieu, si, mais disons, on n'a pas le choix de passer à cet endroit-là, puis on voit que le sol est fragile, qu'il risque de devenir humide ou qu'il est déjà humide, mais on veut enjamber le milieu, le pont va déjà être fait. Ouais. Et si jamais vous voyez que le trou vient vraiment, vraiment trop énorme parce que le monde continue à contourner, fait juste laisser une notice à l'accueil en revenant. À tel endroit, j'ai vu qu'il y a un trou d'eau. Mm-hmm. Parce qu'à chaque année, c'est pas deux fois par année, on fait l'inventaire des sentiers, puis on va les réaménager. Donc, ça va nous faire plaisir. C'est pas long, c'est couper un un arbre, on l'abat, un arbre qui est déjà mort, un passe-temps qu'on va choisir. On l'ouvre en deux, un peu comme une banane qu'on couperait sur le long. Et puis, on le cloue par-dessus, puis ça reste là des années. C'est très simple à faire, ça prend une journée, puis c'est fait. Pis c'est mieux que tirer sur un chevreuil, puis le foutre sur la flaque. Exactement. L'ouvrir en deux comme une banane, c'est plat de faire. C'est la version efficace, ouais. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, faut que tu l'ouvres du bon côté. Sinon, ça peut aussi salir. Donc, on dit, t'es beau, tu es neuf. Tout se met pilé dans la boîte. Oui, d'accord. Mais j'aime ça, tirer du gun. Oui. C'est pas pareil. Vous m'enlèverez mon fusil quand je serai mort. Donc, en gros, c'est un peu l'espèce de trois règles vraiment importantes lorsqu'on marche dans nos sentiers. Respecter les balises, respecter le chemin qui a été tracé, ne pas enlever ce qu'on trouve beau à l'œil pour que les autres qui fréquentent le sentier puissent le voir. Et les trous d'eau, essayer d'éviter de les enjamber ou de passer à côté. Passe toujours en plein milieu où on les enjambe si c'est possible. Finalement, si jamais il y a des gens qui recherchent des destinations pour aller marcher un peu cet été, moi, j'ai fait un petit top 3 de mes sentiers préférés au Québec que j'aimerais proposer aux auditeurs. Le but, c'est pas de faire de la publicité aux entreprises que je nomme. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore visité, que j'espère aller visiter, mais je pourrais pas nommer maintenant. Mais mon top 3, c'est vraiment, d'abord, au numéro 3, il y aurait le domaine des Montagnes Vertes, qui sont dans le sud du Québec, dans les cantons de l'Est. C'est un monsieur qui travaille là, qui s'occupe de l'aménagement des sentiers, justement, un Jean Lacasse, qui a travaillé avec qui j'ai eu la chance de travailler dans la réserve de la Vérandrie, qui est un maître de l'aménagement. Il n'y a pas grande personne qui peut se dire être des maîtres dans l'aménagement de sentiers au Québec, plus c'en est un. Et les sentiers sont de toute beauté, ça vaut vraiment la peine, et les points de vue sont magnifiques. Mon top 2, ce serait les Portes de l'Enfer. En fait, domaine des Portes de l'Enfer, si vous allez dans le coin du Bois-Saint-Laurent, à Rimouski, des sentiers qui sont aménagés vraiment à merveille. Les gens qui ont fait ça savent vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est très, très bien aménagé. Et on a la chance de voir non seulement une chute de 20 mètres qu'on appelle le Grand Saut, qui en fait, avant, il y avait de la drape sur la rivière, ça s'appelle les Portes de l'Enfer, parce qu'il y avait des embarques en haut de la chute et les draveurs, fait qu'il a couru ses billes en haut de la chute de 20 mètres pour faire l'embarque, d'où les Portes de l'Enfer. Si ça tombe, mais ça commence en enfer assez rapidement. Et on a aussi le plus haut pont suspendu au Québec, traverse le canyon de la rivière Rimouski. On parle de 168 mètres de haut, ou 28, je me trompe. Bref, plus que 100 mètres de haut. Et c'est un pont suspendu qui, une fois rendu au milieu, ça balotte pas mal. Les radis rentrent par en dedans. Call back! Et bon. Les radis rentrent par en dedans, Steph? OK, faut que j'écrive. Les radis rentrent par en dedans. Donc, très, très, très belle place. Et la dernière, mon top 1, mon point de vue préféré à date au Québec, c'est l'Acropole des Draveurs, dans le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, à Charlevoix. Il y a deux parcs nationaux à Charlevoix, c'est celui qui est le plus au nord. Et il faut faire le sentier qui s'appelle l'Acropole des Draveurs. Arrivé en haut, vous avez une vue qui est vraiment à couper le souffle. La montée est ardue, c'est pas un des plus faciles. Ça se mérite, mais arrivé en haut, le point de vue est vraiment, c'est mon préféré de tout ça que j'ai fait au Québec à date. Imprenable. On peut pas en prendre. Encore. Trop pesant. Encore cette joke. Encore cette joke. Chaque fois, je la fais. Pas le choix. C'est ma préférée. Très beau top 3, merci beaucoup. Et on a pris ça en note, évidemment. Mets-toi sur le site web. Hein? Tout à fait. Oui, c'est sûr, j'ai pris ça en note. Là. Bon. On va les marcher un petit peu. Oui. Et si jamais vous voulez nous suivre, justement, le club de plein air n'est pas actif malheureusement cet été. Par contre, on travaille fort sur le calendrier d'automne qui devrait sortir très très bientôt. Donc, toutes les activités qui vont être disponibles en automne, on vous efforce de les voir sur notre site www.uqtir.ca/uqtair. On a un calendrier qui va être disponible très très bientôt sur notre page Facebook, encore une fois, facebook.com/uqtair. Et toutes les infos vont être disponibles. Merveilleux. Voilà. Jean-Antoine Rioux, merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est le moment qu'on souhaite un bon été puis qu'on se revoit en automne, si je comprends bien. Oui, un moment de déjà-vu. En fait, il y aurait peut-être une possibilité que je repasse au fin juillet, début août, si vous êtes intéressé, évidemment. C'est tout le temps. La porte est grande ouverte, même si elle est tout enfermée. À cause du bruit. Ouais. Faut pas j'arrive les yeux fermés quand tu dis ça. Non. Mais je suis au courant, donc sinon, ça va être à l'automne. Super. Merveilleux. Quelle bonne chronique. Hein? Wow. Ben oui. Ça sent le dehors. Oui. Non, je me dis, les sentiers, tu sais, c'est niaiseux, mais on y pense pas. Mais une fois que tu nous dis, ben non, prends pas la roche, tu sais, ben c'est niaiseux, tu sais. Puis là, je me dis, je devrais peut-être aller les reporter. Ah. Non, c'est pas vrai. Toutes les roches, j'ai fait des ricochets avec, là. Ouais. Bon, va les rechercher. Ouais, c'est ça. Je vais mettre mon suit. Dans quelques minutes, on va faire la chronique Kinky Sexy Time. Mais pour l'instant, on retourne à la musique qui entend la position numéro 11 du palmarès anglophone. All the Time du groupe. J'allais dire du groupe The Strokes. Assemblage Rocky. Rocky. À la place. The Strokes, une pièce qui se nomme All the Time. C'est la position numéro 11 anglophone. Ça descend de la 8e place. Maintenant, on va sauter par-dessus plein de choses, mais on en parlera tantôt, mais qu'on fasse jouer de la musique, parce que pour l'instant, c'est pas de la musique qu'on fait jouer. Non, c'est quoi? On joue avec d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Avec nos radis. Ah! Moi, c'est Kiki Sexy-Time. Yeah! Moi, c'est vrai, je voulais faire une petite entrée. Je voulais qu'on s'approche de l'eau. Arrose-moi pas. Ah oui. Je viens de faire mes cheveux. Il arrive tout le temps, je vais trembler le matin. Oui, c'est vrai. Ouh! Brrr, froid. Donc, Kiki Sexy Time, c'est la chronique, évidemment, sœur de C'est un fait, mais sœur cochonne un peu. Donc, pas sœur Angèle. Non, c'est vraiment pas sœur Angèle. Donc, évidemment, je vous rappelle d'aller voir sur twitter.com/AsRocky, qui est très approprié pour Kiki Sexy Time, d'ailleurs. Il y a une liste complète avec toutes les sources de Kiki Sexy Time. En ce moment, il y en a rien que deux. On m'en trouver d'autres. Deux Kinky? Fais-moi pas peur. Non, plein de faits. La maladie de Peyronie. Savez-vous ce que c'est, Peyronie? P-E-Y-R-O-N-I-E? Moi, non? Non. C'est une condition qui fait que la base de l'engin masculin va devenir en permanence comme croche à angle, si on veut. Ce qui va faire que ça va être difficile d'avoir des relations sexuelles. Ça va être comme penché d'un bord, mais en permanence. Comme en diagonale? En diagonale, c'est la maladie de Peyronie. Peyronie, parce que... Comme le Pyrénées. Et comme P et Ni. Mais sans le... Hein? Est-ce que la fille peut avoir une Peyronie aussi puis avoir le vagin en angle? Bonne question. En espérant que ce soit du même bord que 13 son chum. 14 oui, c'est centimètres! Non. Ça prend une scie à angle. Une scie à angle. Un rapporteur d'angle. Une scie à anglais. Non, anglais. J'aime ça. Anglais. Speak English, please. Un quart, d'ailleurs, ben, t'sais, pour rester dans le même domaine, là, un quart des engins masculins sont un petit peu pliés. Lorsque en érection, mais ça, c'est normal d'être un petit peu penché d'un côté. Non, mais tu sais, il y a une différence entre pencher puis plier, tu sais. Plier, c'est vraiment, tu sais, regarde, je plie une feuille. Si c'est mou de même puis tu réussis à plier ça, tant mieux. Oh non, mais tu sais, t'imagines-tu de même, là? C'est gênant. C'est très gênant. Toto dans le nombril. Ben oui, direct dans le nombril. Des études montrent que les hommes sont plus attirés par la voix d'une femme pendant sa période du mois. Donc, le dirty talk, c'est plus encouragé à ce point-là de la vie d'une femme. Mais ben, sa voix est plus, je sais pas, husky, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle est plus grave? Qu'est-ce qu'elle a? Husky comme le chien? Comme le chien. Ouais. Poilu. En moyenne, les adolescents passent 87 heures par année à regarder la porno en ligne. 87 heures. C'est quand même pas mal. C'est pas pire. Mm-hmm. Les couples en Iran qui veulent avoir des relations avant le mariage peuvent avoir une licence de mariage temporaire pour pouvoir se coucher ensemble sans enfreindre les lois de l'islam. C'est quasiment un permis de vente de garage. Ben oui, c'est... Ben pourquoi pas. Parlant de permis de vente de garage, l'année passée, j'ai su que ça prenait un permis pendant que je faisais ma vente de garage. Ouais, mais ça dépend des places. Malaise. Ça dépend des places. Les femmes ont 10 fois plus de sensibilité au toucher que les hommes. 10 fois plus de sensibilité. À se faire toucher ou à toucher? À se faire toucher. Okay. Mais tout simplement le toucher. Le toucher. Ouais, okay. Le toucher est plus sensible. Il y a des écoles il y a une école du sexe à Vienne, en Autriche. Il y a des labos de pratique et des chambres où les étudiants sont supposés pratiquer leurs leçons. Cool. À Vienne, hein? À Vienne que pourra. selon un sondage, les femmes trouvent que 80% des hommes sont moins beaux que la moyenne. OK, mais ouais, ça, c'est sélection personnelle. C'est exactement ça. Donc, eux autres pensent que 80% des hommes sont moins beaux que la moyenne des hommes. Mm-hmm. Ben, la moyenne, hommes, c'est marqués. Comme le star system, là. Oui, c'est George Clooney. Ben, pas nécessairement. Hey, George Clooney, tu parleras pas contre George. C'est des vieilles références, hein? Ouais, non, c'est ça. T'as pas évolué dans ton standard. Johnny Depp. Il est pas cette date, là. OK. Vas-y. Robert Downey Jr. OK. Ah, bon, voilà. Iron Man. Oh, wow. Moins de 15% des gens qui sont sexuellement actifs ont eu des relations sexuelles sur la plage. Ben, on le sait, on l'est. Ben est oui, là. Présentement. Là. Ah, c'est vrai, je devrais repartir mes vagues. Oui. T'as-tu vu notre voisin? Les vagues viennent et partent, des fois. C'est pas une plage de nudistes, de toute façon. Je sais pas. Pas que je sache. Moins de... excuse-moi, j'ai déjà fait ça là, on peut l'enlever. 32% des hommes disent qu'ils se touchent plus depuis le début de la récession. C'est quoi le rapport? Aucun rapport. Je sais pas, peut-être qu'ils ont perdu leur job avec la récession. Voyons, plus de temps à perdre, je sais pas. Peut-être. L'engin d'un homme va rétrécir lorsque son équipe va scorer un touchdown. Comment est-ce qu'on le sent en français? Un touché. Et Colin, tout le monde sait ça sauf moi, apparemment. Donc, le pénis d'un homme va... Oh, excuse-moi, l'engin. J'avais droit à un pénis par... Une fois, pénis sur... Mais ça, tu vois, si on peut noter l'heure, parce que dans la discussion originale, on est jeudi 17h28, t'as dit, qu'est-ce que t'as dit? J'ai droit à un pénis par émission. Et c'est celui-là de Jean-Philippe, parce que moi, j'ai laissé le mien à la maison. Yes. Voilà. Donc, le pénis d'un homme va rétrécir lorsque son équipe score un touché. Donc, c'est que l'excitation non sexuelle intense peut causer ça. Ça peut causer que ça rapetisse, que la radie rentre par en arrière. Les chimpanzés. Les chimpanzés ont le record du monde pour le quickie le plus rapide. Leur relation peut durer aussi peu que 3 secondes. J'aime pas ça quand tu parles de relations sexuelles d'animaux. C'est bizarre, hein? Puis tu parles de quickie. C'est sale un peu, ouais. 3 secondes. 3 secondes. Ça ferait déjà 4 qui auraient fini une fois. One bam, thank you, ma'am. Les serpents sonnettes, leur relation, eux, à eux, peut durer jusqu'à 22 heures. Cool. Serpents sonnettes. Veux-tu voir mon serpent sonnette? Ça compte-tu le spé au restaurant? Et les préliminaires? Ben, super restaurant, c'est un préliminaire. Ça compte, les mais okay. Quand même, ben, j'ai plus de préliminaires que je pense. Ça, de ma vie, ça dépend, McDo, ça compte pas. Ah, OK. En Inde, un homme a tiré sa voiture avec son engin devant le temple Mahalakshmi pour manifester, en fait, contre la crise de l'huile du pétrole en 1989. Logique. Ben oui. Logique. Ça a changé quelque chose au niveau de son... Aucune idée. De son C. Qu'est-ce que la gamophobie? C'est quand t'aimes ça, les gammes. Je pensais dire que t'as peur des gamelles. De gargamel. Non, les gamelles. Non, en fait, c'est la peur du mariage, des relations, de l'engagement. Ah, ben oui, gamme. Pas les gammes, mais je t'en. C'est vrai. Quand tu y penses. Les couples qui ont des relations le matin vont avoir tendance à surperformer, performer plus que leurs collègues de travail pendant la journée au travail. Même chose que les étudiants. Donc, si tu. Les couples qui vont avoir des relations le matin vont être meilleurs, plus productifs. Cool. Ben, je trouve ça bizarre parce que, je sais pas, soit faut que tu te lèves plus de bonheur ou que tu coupes dans le déjeuner. Ah! Fais-le en déjeuner. Ou tu manges l'autre personne. Ah, ouais, genre Nutella. Nutella. Tu mets du Nutella sur, c'est ça. La raison que les sorcières sont associées avec les balais. Est-ce que vous savez c'est quoi? En fait, c'est un mythe, là. C'est une grosse histoire de mythe, là. Une initiation à McGill, ça, qui m'a viré. Non, ça ressemble à ça, en fait. C'est qu'apparemment, et selon le mythe ici, les sorcières ou ces femmes-là inséraient des drogues hallucinogènes dans leur entrejambe féminin avec un balai. Selon le mythe. Permettez-moi d'en douter, tu sais, mais ça se peut. Il y a un parc à Amsterdam qui permet aux gens d'avoir des relations en public. Ben, cool. Okay. Le 22 décembre est la journée nationale de l'orgasme. On a le quand? Le 22 décembre. Ah, c'est le jour après ma fête. Ben, bravo. Félicitations et bon solstice évidemment. Avoir des relations avec les lumières allumées la nuit, ça peut aider à améliorer la qualité d'un orgasme. Les lumières allumées, selon une étude. Ouais. Les femmes dans certains pays vont mettre des herbes dans leur entrejambe féminin pour faire semblant qu'elles sont vierges, parce que les herbes vont faire que l'entrejambe va enfler et saigner pendant les relations sexuelles. Ah, ben là, tu vois bien que c'est malsain. Arrête! Malvage, j'en compte. Quand tu dis pour faire semblant, je pensais aller dire pour farcir. Farcir! Oui. Ça met de la saveur. Ben oui, regarde, chambon, je suis propre. Un petit peu de persil, ça sent bon. Mais je dirais que la menthe, moi. Ah, j'aime. Selon une étude de 1996, les hommes de New York, vont produire le plus haut taux de sperme aux États-Unis, alors que les hommes de Los Angeles, vont en produire le moins. C'est les histoires de West Coast, East Coast, ouais. South, South, West. Il y a environ 150 vidéos pour adultes qui sortent à chaque semaine. Ah, j'aurais pensé plus, moi. Ben, moi aussi. Grande cargaison, livraison. Ah ouais, venez-vous-en. Viens. Encore une affaire, là. Le camion qui rentre dans... C'est une joke de sexe. Il y a plus de vierges qui ont 20 ans en ce moment qu'à la fin des années 50. Des vierges à l'âge de 20 ans, donc qui se gardent pour le mariage, etc. Il y en a plus que les années 50. Je pourrais penser qu'il y en aurait eu moins. Environ un adulte marié sur 10 couche, dort typiquement nu. OK. Nu. Non, excuse-moi, j'ai complètement pas dit la bonne phrase. Une chance que je suis là pour me corriger moi-même. Ouf. Hein. Ouf, parce qu'on l'a déjà fait, cette fille-là, et c'était pas le même chiffre, donc ceux qui suivent, on va être tout mêlés. Dorme seul. Un adulte sur 10 dort seul. Seul, nu. Sûrement nu aussi, voilà. Qu'est-ce que la bélonéphilie? Bélonéphilie. Bélonéphilie. Fourrer du bélonné? Non, ou se mettre, se l'entourer. De ballonné. De ballonné. Ah non, comme les petites saucisses dans le véhicule. Oui, pareil. Ou se passer l'engin dans le petit trancheur à tranche de viande froide. Qu'est-ce que c'est ça? Non, la bélonéphilie, c'est l'obsession sexuelle avec des objets coupants. Ah, j'avais raison, j'avais même pas lu à l'avance. Ouais, je triche, je le savais. C'est subconscient. Les alligators femelles, donc les alligatrices, ne mangeront pas entre 8 et 9 semaines avant de s'accoupler. Ah. Une protéine du lait qui est utilisée dans la fabrication du latex veut dire que la plupart des condoms ne sont pas corrects pour les végétariens. Bah oui, mais là... Une protéine du lait. Végétalien, probablement. Végétariens sont comme pas si intenses que ça. Là. T'as raison. Twitter. Honte à Twitter. La Chine fabrique plus de la moitié des poupées sexuelles, poupées à sexe, dans le monde, et en utilise plus de 70%. En Inde, le terme « animal sex » est utilisé plus souvent que « anal sex » et « oral sex ». Combinés ensemble sur les engins de recherche. Ah! Il y a plus de sexe d'animaux que de sexe oral ou anal. Voyons, mais il manque de choses. Plus d'États ont légalisé, dans le même principe ici, plus d'États ont légalisé le mariage entre cousins de premier degré que le mariage du même sexe. Ah! Voyons! Étrange. Et on termine avec le breast slapping, une forme de thérapie créée pour rendre les seins d'une femme plus gros. Et c'est fait dans plusieurs pays étrangers. Donc, le breast slapping, la gifle du sein. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont enflés. Pauvre chouette. Pauvre ben niaiseuse. Ils sont tout rouges. Ça fait un bonnet de plus, mais ils sont tout rouges. Ben là, faut que tu te donnes un certain nombre de claques chaque jour. Ouais. À un angle exact. Mm-hmm. Ouais, pour qu'ils remontent. Qu'ils remontent. Faut pas qu'ils les descendent. C'est ça. Voilà pour Kinky Sexy Time. Twitter.com/AsRocky. Allez voir la liste Kinky Sexy Time avec toutes les sources dessus de ce que j'utilise et ce que j'utilise pas pour Kinky. Voilà. Il nous reste encore une petite demi-heure à l'émission d'aujourd'hui. Ça va être juste assez de temps pour faire sûrement une dernière chronique. Donc, sachez laquelle juste après la pause. Pour l'instant, on écoute en musique la prochaine position. C'est la position... On saute par-dessus plusieurs choses. On saute les positions 10, 9, 8 et 7. On va les faire dans l'ordre. Donc, la 10e position, c'est We Are Wolves avec Moving Fast. Tu vois, je le pointe... En 9e, c'est How to Destroy Angels avec la pièce How Long? JP. Moi-même. La prochaine. Ah, ben là, non, c'est ça, John. Je te... OK, ben 8, c'est à toi. Je me fais chicaner tantôt. Là, je suis. Best Nerd Lakes avec People of the Sticks. Et finalement, 7e position, c'est I Wake Up Every Day de Thomas Darcy. C'est l'ancien numéro 1. On y va donc tout de suite avec la position numéro 6 qui monte d'une place. Hunter Valentine et The Pulse. Au 89. Ouais. Cet assemblage requis. Il reste moins d'une demi-heure. 25 minutes, pour être précis. La bombe va exploser. Allez, Chuck Bauer. I had a flash from the future. We were bitter, old and gray. Yeah, I was making you dinner. You couldn't think of a word to say. I tried to picture a lifetime of not waking up next to you. I couldn't shake out this feeling. Deception grew and grew. Cause it's the past that feeds the lonely. It's the beat that doesn't shake. Yeah, it's the past that feeds the lonely. And the loneliness you say. toujours Rassemblage Rocky à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Il reste encore une vingtaine de minutes et juste assez de temps pour faire deux petites choses. En fait, je pense qu'on devrait commencer avec une chronique que moi j'apprécie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Là. On fait quoi, le Pepto-Bismol de la semaine? J'y ai pensé, honnêtement. C'est le truc à goûter. J'y ai très pensé. Ah. Mais je sais pas. Non, c'est un peu bizarre. Ouais, la prochaine fois. Non, à la place, je trouve que dans la vie, des checklists, c'est bien le fun. Check. Hein? Check. Check. Check, check, check it out, comme on dit. Oh, okay. Check, check, check. Check, check, check, check. OK, ça va faire les checks. Mais voici son foutu palmarès. C'est chaud, c'était soufflant, ça, chanter aussi longtemps que ça. Ça arrive. C'est son foutu palmarès où on vous fait une liste, une checklist vraiment de choses intéressantes. Et aujourd'hui, c'est la liste des mots étrangers qu'on devrait avoir en français. Hein? Je comprendrai tantôt ce que ben tu veux Bien sûrement. Dire. Comme, mettons, en allemand, on a un mot que je vais essayer de prononcer qui est « Kummerspeck ». Kummerspeck. C'est un excès de poids. Lorsqu'on a trop mangé émotionnellement, tu sais, quand on, mettons, mange de la crème glacée parce qu'on est déprimé ou heureux ou stressé ou, en fait, les raisons sont bonnes. Pour manger de la crème glacée, c'est oui. Ça. Mais les Allemands disent donc « Kummerspeck ». Fun, quand même. Ah? En Géorgie, le pays, pas l'État, on a le mot « chemo mejamo ». Hein, tu sais, quand t'es vraiment plein, mais ton repas est tellement délicieux que tu peux pas t'empêcher de le manger. Pas comme la fondue, ça. Comme quand... Ah, de la fondue de la raclette. Ouais. Tu peux pas arrêter de manger. Impossible. Et c'est chez mon Medjamo. Chez mon Medjamo. Chez mon Medjamo. Les Écossais ont le mot « turtle », qui est un mot, en fait, pour l'hésitation que t'as quand tu paniques, là, justement, de devoir présenter quelqu'un dont tu te souviens pas du nom. Je te présente. Dans ce cas-là, tu te dis, je vous laisse vous présenter. Oui. Hey, je fais ça tellement souvent dans ma vie. C'est Charles-André. Charles-Antoine. C'est pas Pierre. C'est pas Roger. Non, parce qu'il a dit qu'il voulait pas qu'on dise son nom. Ah, c'est vrai. Donc, les Écossais disent turtle. Tortue. Ensuite, tortue, oui. Ensuite, le langage Yagan dans la Tierra del Fuego. Ils ont le mot, et juste leur nom de place, c'est déjà compliqué, mais ils ont le mot Mami Lapi Natapai. Mamila Pinatapai, qui est un mot qui capture le regard spécial partagé entre deux personnes lorsque les deux aimeraient que l'autre leur offre quelque... Quand les deux espèrent que l'autre personne fasse quelque chose que les deux veulent, mais aucun des deux ne veut le faire. Ah. Si tu veux que l'autre le fasse, mais toi, tu veux pas le faire, tu sais? Mettons, passer à mop. Passer à mop. Non, mais ça parlait pas d'un petit regard magique, là? C'est le petit regard quand les deux se regardent, puis tu sais, l'autre voudrait que l'autre le fasse. C'est un peu comme dans les vieux westerns. Oh, raccroche-toi! Ben oui, puis là, comment ils se font pour se voir dans les yeux? Bon, ben c'était pas ça de bon. Je sais pas sûr. C'est Mami Lapina Tapai. Voilà. Bon. Ensuite, en allemand, on revient à l'allemand. Backpfeifengesichte. C'est une face qui aurait besoin de se faire frapper dessus, tu sais. Genre. Face à Mathieu. Merci, t'es fine. Ensuite, en inuit, on a le mot Iktuarpok. Quand tu anticipes que tu veux, dans le fond, que l'autre personne se présente chez toi et t'arrêtes pas de te rendre dehors pour voir s'ils sont arrivés chez vous. Ah, ok, t'es anxieux parce qu'ils arrivent pas. T'es anxieux parce qu'ils arrivent pas, t'aimerais ça qu'ils arrivent. Donc, t'es Iktuarpok. Wow. Ensuite, à Bouli. Bouli, talala, talala. Bouli. Non, ça, c'est le dessin animé Bouli. Non, Bouli. Le petit bonhomme de neige, comment? En tout cas, à Bouli. Il y a le mot Pelinti. Donc, c'est quand ton ami mange un morceau, par exemple, de pizza super chaude, ensuite ouvre sa bouche et bouge la tête un petit peu, il fait comme le bruit. C'est chaud! Donc, on a un mot pour ça au Ghana, à Bouli, au Ghana. Ah, mais c'est qui fait ça? T'es tellement divertissant, Mathieu. Merci. Ça veut dire bouger de la nourriture chaude dans sa bouche pour que l'air vienne le refroidir. Ah, moi, je fais juste comme... Pilinti. Pilinti. Bon, ma description était excellente, je dis moi. Bon. Ensuite, un mot thaïlandais, Granjai. C'est quand. C'est tellement compliqué les explications. C'est le sentiment que t'as, OK? Quand tu veux pas que quelqu'un fasse quelque chose pour toi parce que ce serait douloureux pour eux de le faire. Quand quelqu'un s'offre de faire quelque chose, mais ça leur ferait mal. Mm-hmm. C'est le sentiment que t'as quand ça t'arrive. Ouais. Faut que j'aille à mon test de prostate. Oh, ben JP, je vais y aller à ta place. Non. Non, on fait pas ça. En Indonésie, le mot est Mengkolek. Tu sais, quand tu tapes quelqu'un sur l'épaule opposée de l'arrière pour lui jouer un tour. Hey, ça, c'est désagréable. Oui, comment t'appelles ça? C'est Mengkolek, c'est en Indonésie. Mengkolek. Hey, ils ont un mot pour ça, ce gag-là, il est tombé universel. Tellement. On est tous pareils. Mengkolek. Mengkolek. C'est Mengkolek. Il n'y a pas de trouble, c'est bien collègue. C'est bien collègue. En Samoan, okay. Il y a un mot qui s'appelle famiti. C'est de faire un son genre squeaking sound, je sais pas comment dire en français, un son de squeak. En inspirant de l'air par tes lèvres pour attirer l'attention d'un chien ou d'un enfant. Je pense que c'est ça. C'est donc famiti. On a réussi à comprendre, ça. Oui, je pense que ça doit être ça. C'est plus compliqué lorsqu'il écrit que lorsqu'il dit. Faut quoi? C'est vrai que ce son-là, tu peux pas le faire en soufflant de l'air. Ben, c'est bizarre. Ça fait un squeaky, ça. Squeaky, j'aime ça. Aux Philippines, le mot, c'est gigil ou gigil. Gigil! C'est vouloir pincer ou squeezer quelque chose qui est irrésistiblement cute. Oh. Genre les joues. Ouais. Un petit chaton. Oui. Le pincer. Ben oui. T'es tellement cute, le petit chat. Dans le pays qu'on appelle Ulua, il y a le mot qui est Wuputka. C'est un mot, OK, qui est fait pour exprimer quand tu marches dans le bois le soir. C'est la sensation d'avoir quelque chose qui te monte dessus. Mais c'est pas vrai, mais t'as l'impression que quelque chose te monte dessus. C'est Wuputka. Ensuite, le mot perse, Zag-Zag, qui est le bruit des dents quand il fait froid ou quand t'es enragé. Ouais. C'est plus ça, ouais. Ah non, fais pas ça, hier! Mais c'est pas ça le bruit que ça fait! Arrête, je vais te lancer ma banane, pour vrai, c'est. Ok! Bravo! Oh non! Ah, il fait chaud. Ensuite, le mot check. On a parlé de checklist tantôt. Vibafnout! Vibafnout! Ça veut dire zut! C'est un mot qui est fait pour déranger tes frères qui sont plus vieux que toi. Okay. Ça veut dire sauter et dire bou. Donc sauter en quelque part et dire bou, c'est Vibafnout! Cool, hein? Ensuite, en allemand, Fremdschämen, ou encore en finlandais, Miotarapin. C'est les cousins du mot Schadenfreude, qui est un autre mot, mais qui celui-là est utilisé en anglais souvent. Bref, les deux mots veulent dire que quelque chose de gênant. Quelque chose de gênant. Malaise. Okay. Malaise. En suédois, la gomme. Okay. Donc, c'est un petit mot difficile à décrire et à définir, mais qui veut dire pas trop, pas trop peu, juste correct. Pas trop peu. Ouais, finalement, c'est la gomme. Plus rien de... Ça peut rien dire. Un mot norvégien, paleg. C'est donc un mot non spécifique qui décrit n'importe quoi. Ça peut être du jambon, du fromage, de la confiture, du Nutella, de la moutarde, du cornichon, n'importe quoi. Mais qu'on peut mettre dans un sandwich. Ah, un condiment. Un condiment, une garniture. Non, jambon, ça peut être pas ça peut être plus que tout. Une garniture. Ça peut être plus que tout. Mais finalement, ça peut être n'importe quoi. Paleg. Bon. Aleg. Paleg. Paleg. Paleg. Paleg. Ensuite, l'ayogénique, c'est un mot en tagalog. On a parlé de tagalog avec notre ami Violent Mir tantôt. Ça veut dire, attention. Ah, ben oui. OK, c'est quelque chose. OK, non, j'essaie de comprendre. Tu sais, quand on dit belle de loin, mais loin d'être belle. Ouais. C'est à peu près ça. L'ayogénique en tagalog. Ah. Tu sais, belle de loin, mais loin d'être belle. Bon, je connaissais une fille de même. Tu sais, de dos, ça avait l'air d'une déesse, mais elle se virait de bord, elle avait l'air d'un cheval. Youch! C'est un minotaure. Minotaure qu'on va entendre tantôt. En japonais, bakushan, c'est un terme slang qui décrit l'expérience quand on voit une femme qui... c'est la même affaire. C'est la même chose. Il aurait dû mettre ensemble. Quand elle est belle de derrière, mais pas de devant. Mais, ah, non, ouais, mais c'est pas là, pareil. C'est pas pareil que loin d'être belle. C'est ça. OK, ça veut dire que c'est là que mon anecdote devrait être. On va l'enlever du montage de tantôt. On va le mettre là. OK. Parfait, c'est fait. On remet ça. Wink, on est bon. Parfait. Good. En France... Oh, du français, toi, dans cette liste. En France, Seigneur Terrasse. C'est une personne qui est tout le temps rendue dans un café, que ça soit à une table, mais qui dépense très peu d'argent. C'est un genre de squatteur, si on veut. Ouais, c'est un flambeur. À chaque galerie, il y en a plein, là, de ça. Ils font juste squatter la serveuse, leur placoter ça au bar pendant comme 3-4 heures de suite. Comme ça, parti de là, il n'a pas dépensé une scène, mais il est content. Tu sais, il achète une sandwich aux œufs. Oui, si tu veux. Hein? Tu t'achètes au moins une sandwich aux œufs. Au moins, au minimum. C'est vraiment, il n'y a pas plus bas que ça. En arabe, Yarbouni. C'est long, mais c'est tellement le fun, je trouve. En tout cas, bref. C'est un mot qui montre, dans le fond, la déclaration. Attends un peu. C'est la déclaration remplie d'espoir, OK? Que tu vas mourir avant quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oh. Parce que tu pourrais pas survivre sans eux. Oh. C'est bien ça? C'est cool. Mais c'est vrai, ça serait difficile. Tu peux pas faire de gâteau. Tu peux pas faire d'omelette. Ah, c'est drôle. Encore ses d'œufs. C'est drôle. ensuite, en hawaïen, panapo. Panapo. D'accord? Ça veut dire se gratter la tête pour essayer de se rappeler quelque chose que t'as oublié. Ah! Okay. Moi, j'appelle ça me gratter la tête. Genre. Parce que. Faire le Didi. Dans Donkey Kong Country, il se gratte la tête. Ah, faire le oui. Didi. En italien, slampadato. C'est quand t'es accro au salon de bronzage. Ah. Ah. C'est nous? Cool. En Géorgie, on revient. En Géorgie, zeg. Ça veut dire le jour après demain. Le jour après demain, à place de dire après demain, ils disent zeg. Ah, un petit mot court, efficace. C'est le fun, ça? Ouais. En brésilien et portugais, le mot cafoune. C'est un mot qui veut dire passer tes doigts dans les cheveux de ton amoureux ou amoureuse. Oh, cafoune! Cafoune-moi! Cafoune-moi la tête! Oh. En japonais, koi no yukan. C'est quand tu rencontres une personne pour la première fois que tu as l'impression que vous allez tomber en amour, les deux. Koi no yukan. Moi, j'aime ça. Ben, y a des personnes qui arrivent à chaque fois qui rencontrent quelqu'un. Ah! Qui fonce dans quelqu'un. Oui, c'est bon. Ouais, bon. En danois, kailing. Quand une femme... se met... attends un peu. Oui, quand une femme se met. Quand une femme se met. C'est bien parti. Quand une femme sort de chez elle, elle se met sur son pas de porte ou n'importe où au supermarché ou dans le parc et va se mettre à crier après ses enfants. Donc les Danois appellent ça « kailing », une femme qui va crier après ses enfants. Ah, c'était comme... Je reviens à 3 heures du matin! Non, c'est toi qui reviens à 3 heures du matin, ton enfant. C'est la mère qui va crier après ses enfants ou quelque chose comme ça. Ouais, mais dans le cadre de porte. Non, c'est pas comme l'histoire de Sam Pick, là. Ouais, ok, je comprends. Tu sais, quand elle va sortir dans la rue, puis elle va dire à ça Hey! Combien ton lunch? C'est ça, genre, Debbie Joanne. T'es bonne, Debbie Joanne. Ben bref. Une pub des palmarès, non, personne se rappelle de ma pub des palmarès. Ma pub des palmarès que personne aime, come on. Quand ça passe quand, ça? C'est la fille qui parle mal dans sa pub. Ben oui. Ah. Là, tout le monde dit, ben là, vous devriez vous engager une meilleure actrice. Come on, c'est ça la joke. Oui, non, en tout cas, bref. Il l'a sous le cœur. J'avais pas compris le nom. Moi non Debbie plus. Joanne dans la pub. En tout cas. Le 29e est très classique, c'est l'esprit de l'escalier. C'est quand tu penses à quoi dire à quelqu'un alors qu'il est trop tard, la discussion est déjà finie. C'est comme un excellent comeback, mais tu y penses après. Ça fait ça tellement souvent. À radio, ça fait bizarre, hein? Bon, on le fait des fois. Tout le temps. Tout le temps. Boketo en japonais. Okay? Les japonais décrivent l'acte de regarder au loin sans penser, juste être dans l'une. C'est Boketo. Boketo. Boketo. Il nous en reste que quelques-uns, on se dépêche là-dessus. Un mot qui décrirait une mode chez les Américains en dessous de 40 ans. Ceux qui portent leur derrière de chemise à l'extérieur de leur pantalon. C'est Coti Suelto dans les Caraïbes. Coti Suelto. En allemand, Packessel. C'est une personne qui est obligée de transporter les sacs de quelqu'un d'autre lors d'un voyage. Donc vraiment un bourreau de travail, si on veut. On appelle ça un chum, voyons. Un chum. En danois, Hygge. C'est au Danemark, donc oui, c'est ça. C'est le sentiment plaisant et intime associé avec le fait de s'asseoir autour d'un feu l'hiver avec des bons amis. L'hiver autour d'un feu avec des amis, c'est très, très spécifique. Hygge. En italien, cavoli riscaldati, c'est le résultat quand tu essaies de ramener une relation qui ne fonctionne pas. T'essaies de la patcher, si on veut. Tu sais? Comment t'appelles ça? C'est cavoli riscaldati. Ah, c'est ben trop long. Beaucoup trop long. Je m'en souviendrai pas. En bantou, l'expression Bilita Mpache, qui est un rêve incroyable. Pas juste un bon rêve, là, mais vraiment un rêve incroyable que tu te réveilles puis tu capotes. Comme le contraire d'un cauchemar, si on veut. Je fais ça des fois. Puis là, t'es fâché. Pourquoi je suis réveillé? Ben, c'est ton bien plat. Tellement. En tchèque, maintenant, litost. C'est l'émotion, l'état du... Comment dire? quand t'es tourmenté, je pense ça, tourmenté. Ça se dit. Tourmenté. D'accord. C'est créé par la vue soudaine de ta propre misère. Quand tu vois que ta vie va vraiment mal, et là, tu capotes, c'est l'itos en check. Puis là, tu vas retourner dans ton rêve de tantôt. Pas mal ça, genre. Ensuite, Luftmensch, qui est un mot yiddish, qui décrit un rêveur, une personne, un rêveur, genre qui a trop de rêves, genre qui est pas bon en affaires. Tu sais, un genre de pelleteux de nuages, si on veut. J'écrirais ça comme ça, un Luftmensch, c'est un pelleteux de nuages. Et ceux qui n'ont pas de chance, donc ils peuvent utiliser le mot yiddish encore une fois, Schlemiel ou Schlemazo. Il y a comme une différence entre les deux, mais c'est des gens genre malchanceux, qui sont vraiment maladroits, qui vont renverser leur café. Encore une fois, moi j'utilise le mot David Ferron. Oui, mais on ça, marche. Ouais, ça marche. Ça s'applique à toutes les sauces. Mais sinon, c'est Schlemiel et Schlemazel. Voilà. Schlemazel. Schlemazel, c'est la chronique Son foutu palmarès. Voilà. On se dépêche à aller entendre une pièce du palmarès. C'est Minotaurs en position numéro 4. L'extrait s'appelle New Believers. On écoute ça, on revient se dire bye après qui? Yay! OK, bye! On se dépêche. Mais non, on n'a pas dit bye tout de suite. Non, on dit pas bye. OK, attends, on revient. Mais là, on revient là. Mais on écoute ça. Ouais, ça ne sera pas long. On se dit bye. Mais revenez. Une autre émission après ça. Hey.